89.1. Le plan d'aujourd'hui, assemblage requis. Laurent Constantin viendra nous faire vivre l'actualité dans sa chronique avec un nom à déterminer. Et Justine Renaud nous présentera sa nouvelle chronique scientifique avec un nom à déterminer. Assemblage requis commence tout de suite. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage requis. Bonjour et bienvenue à Assemblage Requis, ce jeudi 4 septembre 2014. Je m'appelle Mathieu Plante. Moi, c'est Stéphanie Paradis. Hello! Salut! Alors, on a failli vivre une situation d'urgence. Là. Tu savais pas trop quoi faire avec ta cuillère en petit smoothie. Une chance que j'étais là pour te sauver la vie. Là. Mais oui, moi, j'étais totalement désespérée. J'ai brossé mon smoothie, mais là, c'était un mauve vif, là, un violet intense et profond. Et là, j'avais la cuillère pleine de smoothie. J'étais en détresse. Qu'est-ce que je fais avec? Hein? Moi, normalement, je l'aurais lancé dans l'évier, mais là, j'ai pas dévié. Et Mathieu, dans toute sa sagesse, ben liche-la. J'avais oublié que c'était une possibilité. Une chance que je suis là. Mais vraiment? En m'en venant à l'université, je suis rendu que je viens à pied, toi aussi. Ben oui. Okay. Je croise un gars, pas rapport, comme dans le stationnement, qui me demande, tu t'en vas où? Ben, au pavillon de la vie étudiante, je te dirais, par là-bas. Là, ah, moi, je cherche la côte psycho. Je peux pas t'aider vraiment. Ben là, tu t'en vas faire quoi, là? Ben, je m'en vais à la radio. Ben oui, mais quand ça? Ben là, où ça? À quelle radio? Puis à l'émission de quoi? Ça va être quoi votre musique? Ah, je sais pas. Je crois que c'est son premier jour. Probablement. Et le cours de psycho, je crois qu'il est vraiment perdu si t'étais dans le stationnement, parce que je crois que c'est OMS ou Michel Sarrazin. J'ai dit, va comme le plus loin possible de tout ce qui est ici. Ça va être là. Perds-toi. Ça va être proche. Voilà. T'sais. Mais comment décrire notre émission de radio et comment décrire le style musical? T'sais? C'est ce qu'on se demande. Là. Pour répondre à sa question, il faudrait l'analyser un petit peu. Je dirais une émission de radio intéressante avec des chroniqueurs absolument passionnés de leur sujet. Et diversifiés. Tout à fait. Par exemple, Laurent Constantin et sa nouvelle chronique d'actualité. T'sais? Mais oui, pourquoi pas? Ça va être là. Histoire-là, on va être là. Proche, là? Mais proche bientôt. Et après ça, Justine Renaud et sa chronique scientifique. En fait, on dit chronique scientifique, mais elle va faire jouer de la musique en lien avec un thème scientifique et nous expliquer ce thème scientifique. Oh! Genre. Ça risque d'être intéressant. Tout à fait. C'était à 8h tout à l'heure. On a aussi, c'est un fait, Geek Edition aujourd'hui. Geek Edition? Oui. Ah oh, on va voir si je suis capable de suivre. Peut-être mathématiques, sciences et autres trucs comme ça. Ça va être mathématiques? Ben peut-être. T'as des affaires comme ça. 2 plus 2, c'est de base, j'espère. Ça ira pas plus loin, ça. Sinon, on va se mettre à pleurer. Ça risque de faire une bonne émission. Et on va terminer avec les instructions d'assemblage en toute fin. Hey, ça fait longtemps. Ça fait, je pense que, littéralement 2-3 mois. Wow. Environ. Mes avancées, on va entendre une pièce que, si vous avez écouté la nouvelle saison des Pavards assez fous hier, c'est les mercredis entre 14h et 17h, on a sauté 4 pièces en tout dans l'émission, dont celle-ci, de The Pretty Reckless. Oh! Voici Going to Hell. I got caught, but I did, but took it all inside. Like I saw my confession. The Pretty Reckless is going to hell, l'assemblage Ricky. Oh oui. Tu voulais nous réveiller comme du monde? Ben, c'est pourquoi pas. T'sais, hein? Les affaires de piano, là, de l'intro, là, hein, tu sais, ça réveille pas assez. Mais non. Les sifflottements, hein, on va se le dire. On accueille Laurent Constantin. Son retour, en fait, et étant donné qu'il n'y a pas encore de vrai titre, premièrement, on va essayer de lui en trouver un en onde. Je pense que c'est notre tradition, hein. Ben, surtout toi. Surtout moi. Et on va, pour l'instant, réutiliser son intro de l'année passée. Donc, faisons comme si c'était Voyage au centre du campus. Émotion, je suis totalement bouleversée. Moi, je trouve que cette chanson-là, elle peut pas s'en aller. T'es venu chercher mon enfance. C'est ça. C'est la chanson de la chronique Voyage au centre du campus que Laurent nous proposait il y a de cela, quoi, un an environ? Oui, à l'automne 2013. Mm-hmm. Si dans le temps où t'écrivais une chronique d'actualité dans le journal du campus. Oui, mais ça, c'est du passé. Maintenant, je suis journaliste et plus sérieux. D'où mais le oui. chapeau de journaliste. Hein? Vis dans le présent, Mathieu. Oui, ben, tout à fait. Le présent. Le présent. Ouais. Donc, Laurent Constantin, t'es rendu journaliste. C'est rendu oui. que tu fais du journalisme d'enquête même. Tu vas aller mener des études, des recherches, des enquêtes. Et tu devrais Jocelyne Cazin du Zone Campus en ce moment. Ouais, Jocelyne Cazin ou Alain Gravel, peu importe. C'est ça. Je vais parler de votre standard. Je vais aller fouiller dans des archives, dans des procès-verbaux, le conseil municipal, dans des vieux communiqués de presse obscurs pour trouver vraiment des informations riches, faire des déclarations choc, mais tout ça de façon objective. Donc, je ne lirai plus mes chroniques en ondes qui étaient signées, on se rappelle bien. Maintenant, c'est Sébastien Guertin qui occupe ce poste-là. Je vais peut-être plutôt survoler l'actualité sur un sujet sur lequel je vais me concentrer. Donc, au lieu de voyage au centre du campus, on pourrait peut-être appeler ça Déchiffrons le campus. Déchiffrons le campus. Moi, j'avais des suggestions. T'sais. Oui, Steph est bon public. Toi, je sais pas si tu vas être bon public. Moi, j'avais pensé à La Constance du Constantin. Un peu comme La Constance du jardinier. T'sais. C'est un film, c'est un livre. T'sais. La Constance du jardinier. Ça me fait un petit peu penser au rap du pape de Daniel Lavoie. Ça rime trop. Ouais. OK. Sinon, qu'est-ce qu'il y a? Richard Martineau à la TV. Hein. Il y avait Franchement Martineau. Oui. Franchement Martineau, ouais. Franchement. Est-ce que c'est comme Franchement Martineau, comme il est bien honnête? Ou c'est-tu genre, mais là, Franchement Martineau, comment? T'sais? Alors, Laurent Constantin, ce serait Constamment Constantin. Constamment, hein? Constantin. Il est Constamment Constantin. Tu le vois, là, t'sais? Il est Constamment Constantin. Ben, ça ouais, me donne mais un air d'empereur infini, je sais. Mais il n'y a pas de double sens qu'on a Franchement Martineau. Non, on perd un petit quelque chose, mais en même temps, il s'appelle Laurent Constantin. Faut faire avec, t'sais. Hein? Ouais, c'est ça quoi? Vient d'où ce nom-là? C'est breton. En fait, c'est ça, tout le monde me dit, toi là, tu dois être grec, croate ou un petit peu ukrainien. Non, non, je suis québécois depuis 13 générations déjà. Mon ancêtre est arrivé en 1600 quelque chose. Ah, t'as fait encore ta recherche là-dessus? Ouais, ouais. Intéressant. Oui. Dans ma famille, on est quand même proche de l'histoire, là, la généalogie, ces choses-là. T'étudies en histoire? J'étudie maintenant au deuxième cycle en études québécoises. Okay. J'ai fini mon bac en enseignement au secondaire, dans le fond. Oui. Super. Ouais. C'est pour ça que je suis encore parmi vous, sinon... Je travaillerai auprès de jeunes adolescents, mais... Ah, avec nous autres, c'est la même chose. Il faut que tu fasses la discipline. Deux vieux adolescents là, que je vais... Hey, vieux moteur à faire, les Je vais vieux. Les gérer. Je vais vous gérer. Ouais. Ah, en tout cas. Donc, ben, maintenant qu'on te connaît un petit peu plus, tu sais, parlons d'actualité du campus. Qu'est-ce qui de fuck se passe sur le campus, comme diraient les jeunes? Eh bien, je ne sais pas pour vous, mais hier, je suis allé au spectacle extérieur. Ben voyons donc, j'étais là moi aussi, on a dû se croiser. Ben oui, on s'est croisés. On s'est croisés. On s'est croisés. C'était vraiment incroyable. Stéphanie, t'étais pas là? Non. Mais t'en as sûrement entendu parler. Ben, je te dirais que j'en ai juste entendu tout court. Oh! J'étais pas très loin du campus. Ah, c'est vrai. C'est comme les feux d'artifice, tu peux les regarder de ton balcon. Ouais, c'est ça, pas besoin de te payer. Pas besoin de te déplacer. Bref, c'était vraiment excitant, une très belle ambiance, un show extérieur. On n'est pas habitué de voir ça. Sur le campus, on est plus habitué de voir des plus petits spectacles dans le fameux 10-12. Oui, avec des rideaux pour masquer le fait que la salle est énorme et le public est peu présent. Oui, exactement. Donc, avec un son, des fois, avec certaines lacunes. Ouais. Avec certaines lacunes. Et une chaleur assez étouffante. Accablante. Ouais. Une humidité et tout, des musiciens qui s'en peuvent plus, mais un public qui est parfois en délire. Je me rappelle d'un spectacle l'an passé avec, je me rappelle bien, Brun, la couleur de l'amour. Là. Bernard Adamus. Bernard Adamus, merci beaucoup. C'est un plaisir. Donc, maintenant qu'on en est venu à un spectacle d'une telle envergure à l'extérieur, peut-on vraiment retourner à l'intérieur? C'est ça. Mais non, mais non. Est-ce qu'on a mis la barre haute? Est-ce que c'est presque impossible de faire mieux que ça? Mettons, la question se pose, tu sais. C'est ça, avec autant de populations étudiantes qui étaient mobilisées, plusieurs bars à certains endroits, même des concessions. Des kiosques, comme à une foire, on dirait l'expo, quasiment tellement. Il y avait vraiment un kiosque à petit barbecue, à petite saucisse dans bacon. T'avais pas la ville de Trois-Rivières, mais genre le musée, les musées de Trois-Rivières. Oui, il y avait le centre culturel Pauline Julien. Qui donnait un boc de plastique à tout le monde, puis tu pouvais aller faire une bière à 2$. Touriste Trois-Rivières était là aussi. Oui. Ça mobilisait. Le milieu de Trois-Rivières. Tout à fait. Il y avait comme 20 toilettes portables. C'est vrai. Ça a l'air vrai dans ce temps-là. Mais là, je vous parle de ça depuis tantôt. En fait, c'est une simple introduction à mon sujet d'actualité. Donc, si on veut retourner à l'intérieur, non, on pourra pas faire ça au 10-12. Mais j'ai entendu entre les branches qu'un colisée à Trois-Rivières est en branle. On voudrait accueillir sur le campus. Attendez, je vais vous dire ça. Le Centre d'excellence régionale académique et sportif. Ah, c'est le CERAS. Le CERAS. Que CERAS, CERAS, comme on dit. Hein? Oui, c'est vrai, c'est... oui, comme la chanson, régulièrement. Hein? Donc, on voudrait accueillir une espèce d'amphithéâtre de 5000 sièges à l'université. En plus d'une autre patinoire, en plus de certains locaux de recherche, des locaux de cours, bref. Des bons laboratoires pour faire d'excellents sportifs et d'excellents chercheurs et d'excellents étudiants. Parce qu'en même temps, il faut qu'il y ait une démarche éducative et pas simplement un gros aréna. Ben, même que cet été, ou je me rappelle pas si c'était au printemps, on parlait même qu'il y aurait peut-être des restaurants dans ce nouveau Colisée-là. J'avais entendu dire que peut-être qu'il y aurait, je sais pas, mettons un Subway là-dedans. Pourquoi? Peut-être. Mm-hmm. Dans le fond, où est-ce qu'on veut le mettre exactement ce Colisée-là? Ben, peut-être dessus. C'est pas encore entre le cap, c'est le stationnement... F, genre? Je sais pas. En fait, c'est ça, gratuit, on veut le mettre entre l'avenue Gilles Boulet, donc l'avenue principale de l'université, et le terrain de soccer. Donc, c'est un espace gazonné et aussi couvert d'arbres. Ouais, mais ça, les arbres, c'est du passé pour le QTR. Hein? S'il en reste un à la fin, on va être bien contents. Mais ils ont juste en laissé un sur la bordure. Ceci est un arbre. Ceci n'est pas une pipe. On dit quand même que contre... contre la coupe de tous ces arbres-là, justement, on essaierait de les réutiliser dans la structure, dans la décoration. Bon, mais ils restent pas vivants pareil. Ben non, c'est ça. Mais on en replanterait beaucoup plus s'en est coupé. Okay. C'est ça la promesse. Où? Je sais pas où, justement. C'est ça la question. Ouais. Parce qu'à un moment donné, de la place, il en faut. Peut-être que sur le toit du pavillon à la vie étudiante, il y a peut-être de la place. Faire un toit vert avec un séquoia, ça serait l'idéal. Ah oui? Non. Non, OK. je le prenais au sérieux, là. Moi, j'essaie d'imaginer ça, puis... Le poids que ça, que ça occasionne. C'est juste mais finalement, pourquoi? Là, on n'a pas dit encore pourquoi on veut ça. Oui, on veut l'excellence sportive et l'excellence académique. Est-ce qu'on a vraiment besoin de ça, Laurent? Bien, c'est sûr qu'actuellement, les Patriotes jouent dans un vieux colisée, loin du campus, qui est un peu trop gros. C'est vrai que le hockey, c'est pas au Caps que ça se passe, vraiment pas. C'est ça. OK. Ça, je dirais que ça aide pas beaucoup nécessairement pour le sentiment d'appartenance. Oui. Mm-hmm. J'imagine que si c'est proche, t'es déjà sur le campus, hey, on va aller les voir, c'est juste là. On est étudiant, on va aller encourager nos étudiants. Oui. C'est à côté. Mm-hmm. Mais c'est vrai que des fois, on a l'impression aux Patriotes que c'est un peu vide. Mais à 5000 places à l'université... Ça va avoir l'air encore plus vide. Ça va quand même avoir l'air vide. C'est peut-être ça le problème. Est-ce qu'on veut que ça ait l'air vide à 5000 places ou que ça ait l'air plein à 2000, 3000 places? Ouais. C'est souvent ça la question. Et aussi la question de coût. 53 millions de dollars, c'est ça que ça coûterait. Mm-hmm. Quand on sait que, durant l'été, on a su que les étudiants passeraient à la caisse, c'était le gros titre dans les journaux. Donc, certains, nos sessions coûtent plus cher, justement, depuis l'indexation qu'on a vue avec le dernier gouvernement Marois. Et aussi, considérant que certains services de l'université qui étaient gratuits sont maintenant payants, est-ce qu'on a vraiment les moyens de se payer un amphithéâtre à 53 millions de dollars? Mm-hmm. Je ferais un maudit beau voyage dans le sud avec ça. Là-dessus, il y en a quand même, 26 J'ai-tu dit milliards? T'as dit, ben, on sait que c'est millions. Ouais, mettons, c'est beau, 1000 points. Il y a quand même 26 millions en subventions gouvernementales. Il était censé avoir un autre projet d'amphithéâtre à la base dans le complexe sportif Alphonse Desjardins, annexé, c'est ça, à l'Académie des Estacades au Cap-la-Madeleine. Comme la commission scolaire a un peu de difficultés financières, on la comprend, autant de gestion immobilière, d'avoir fait une patinoire, des terrains synthétiques extérieurs, beaucoup justement des gymnases, des trucs assez professionnels, d'équipements sportifs. Ils n'ont plus nécessairement les moyens de développer encore, de faire leur xème phase de développement. Donc, on dit, on va laisser faire le partenariat. Et là, la ville de Trois-Rivières a tenté de chercher un nouveau partenaire. Et là, l'université dit, on pourrait être partenaire, on a les fonds, on a l'argent, mais ça reste de l'argent public. Oui. Mm-hmm. C'est l'argent qui vient de nos poches et pas simplement des poches de l'ensemble des comptes urbains, mais surtout de l'ensemble des étudiants. C'est ça, ça restreint un peu le portefeuille. Donc, on serait les principaux bailleurs de fonds. Les actionnaires. Les étudiants. Oui, les actionnaires. Ouais. Alors, j'aimerais que ce soit une grosse coopérative, le complexe. C'est bon, je viens d'inventer ça. Là, peut-être que les employés pourraient être étudiants en partie ou c'est un peu comme à l'AGE qui gère la chasse, des trucs comme ça. Ah oui, ce serait une bonne idée. Me trouver un petit job de placier ou de... De placier, genre pour placer les gens dans leur siège, là? Oui, rusher, oui, oui, oui. Ou pas un chanteur. un vendeur de popcorn pour... Ah, des peanuts. Ouais. Ben oui. Oui. Bonne idée. Pourquoi pas? Malgré que je risque de toutes les manger à mesure si c'est des peanuts. Bon, c'est un beau projet. Est-ce que le coût en vaut la chandelle, comme on dit? Il y a aussi le District 55 qui s'est montré intéressé par ce projet-là. Un développement immobilier qui ne fait pas l'unanimité, disons-là, c'est un peu controversé, de faire complètement un nouveau centre commercial, tout plein de condos, au pied du pont La Violette, justement, 55 pour l'autoroute, en se disant que ça va être régional. Il y a des gens qui vont venir de Montréal, de Québec, de Drummondville, Victoriaville, Shawinigan. Nommez-les pour... venir faire le shopping. Mais juste s'il y a un Simons. Et un Ikea, je crois, c'est qui était sur la liste. Le Simons, c'est tout le monde réclame son Simons à Mauricie. Mm. S'il n'y a pas de Simons, le District 55, on peut dire c'est adieu à ça. C'est déjà du passé. Mais bon, est-ce que le maire Lévesque, le gouvernement du Québec devrait investir dans un autre développement commercial? On a un centre-ville quand même à Trois-Rivières aussi qui peine un peu. C'est ça, qui est tout aussi fort qu'il était. C'est ça. Quand même un gros centre commercial aux Rivières, à Trois-Rivières-Ouest. Donc là, ça ferait un nouveau pôle commercial avec... si on peut dire, un gros amphithéâtre de 5 000, 8 000 places au beau milieu de nulle part. Mm-hmm. Est-ce que ça va être accessible? Il faut refaire certaines lignes de transport en commun. Ouais. Il y a beaucoup d'enjeux liés à ça. C'est sûr que c'est pour ça que le conseil municipal a jusqu'à la fin de l'automne pour prendre sa décision. Est-ce qu'elle choisira entre le projet de l'UQTR, du District 55, ou aucun des deux? On le verra à la fin de l'automne, fin octobre. Je vais vous tenir informé là-dessus. Et d'ici là, je vous encourage quand même à encourager nos patriotes au vieux Colisée de Trois-Rivières, tout près du parc de l'Expo, du stade Fernand Bédard, si je me souviens bien. c'est quand même une bonne équipe, une des trois seules équipes au Québec. Donc la seule équipe de hockey francophone. Universitaire? On pourrait dire même canadienne universitaire, c'est ça, parce que les deux autres seules équipes universitaires au Québec sont anglophones. OK. Mm-hmm. Ouais. Cool. Ouais, McGill et... c'est ça, McGill, MC Gill. Oui, excuse. Les GGs. Oui, non, ça, c'est Ottawa. C'est la guerre contre les centres-villes de Montréal. Ouais, c'est ça. Mm-hmm. Bref. Sur ça, je vous souhaite une bonne journée. C'était déjà ça pour Déchiffrons le campus, Voyage Centre du Passé. Constamment. Je trouve ça très drôle, mais si les gens comprennent la référence, mais t'as le temps. C'était un titre en pendaison. C'est ça. Alors, pendaison, exactement, ouais. on veut être la personne qui a inventé ce titre-là. Merci Laurent Constantin. On te retrouve chaque semaine, c'est bien ça? Oui! Les jeudis matin, à 7h30 en début d'émission. C'est ça. Merci Laurent. Plaisir. Moi, j'aimerais dire, avant de quitter, que Laurent me fait un peu peur sur cette musique. Ben c'est pour ça, la musique, pour ceux qui comprennent pas la référence, la chronique s'appelait Voyage au centre du campus et c'est la musique de Voyage au centre de la Terre. C'est bien ça le nom en français? Oui, oui. C'est vraiment juste trop intense. C'est vraiment ça et ça fait mystérieux, journalistique et etc. Pour ça, mais c'est pour ça qu'on va la changer parce qu'on change de nom de chronique. Non, merci Laurent. Dans quelques instants, ce sera Justine Renaud et sa chronique scientifique avec un nom à déterminer. On va essayer de lui trouver un nom qui commence par « in », comme dans Justine. Avant, c'était Justine Procrastine. Oui, oui, les tartines de Justine. Oui. Justine aux platines. C'est vrai. Ça prend autre chose. À chaque session ou à chaque année scolaire, elle change de chronique. Et là, ça va être les... la morphine de Justine? La canne de bine, Justine? On va y faire devant elle tantôt. N'épuisons pas nos excellentes blagues. Vraiment, il faut les garder pour plus tard. Là. Je crois que c'était du sarcasme. Ouais, ça paraît pas dans mon ton. Hein. C'est tellement une bonne émission de radio avec... Je suis tellement bonne! On écoute Fanny Bloom, plongeons dans la piscine. Au 89 FM, cet assemblage requis. Moi! Fanny Bloom. Et on revient dans quelques instants avec Justine Renaud et sa chronique scientifique. À Assemblage requis. Fou de culture. 89.1. Assemblage requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. Bonjour, vous êtes toujours à Assemblage requis avec Stéphanie Paradis. Et avec Mathieu Plante. Ok, oui. Justine Renaud va être dans quelques instants, mais avant, Stéphanie, hier, avant d'aller au spectacle de la rentrée, hashtag rentrée QTR. Oui, oublie pas le hashtag, ça se rendra pas nulle part. Faut bien non plus qu'hier, on était le 03 septembre. J'ai dit ça tout le long de l'émission hier, personne ne comprend. C'est écrit 03 septembre sur le poster, l'affiche du spectacle. Non, tout le monde a compris. Tout le monde a compris la référence. Tu nous sous-estimes. J'avoue que je sous-estime les gens. C'est outrage. Mais non, j'étais avec Maxime Tanguay, Alexandre Carignan, Alexandre Amiswiki. On était allés au Gambrinus. C'est bien le fun. Je pense que j'ai oublié quelqu'un là-dedans. Ah! Oh, en tout cas. Ça, c'est gênant. C'est un peu gênant. C'était qui, donc? Mais merci, t'es pas là. Mais t'es pas là, malheureusement. Elle merci, mais t'es pas là. Mais non, tout ça pour dire que on a parlé de musique, tu sais, puis on aime ça parler de musique. Ben Maxime Tanguay, c'est un amateur de musique, tu sais. Et il parlait de, entre autres, Pink Mountain Tops. Il demandait, est-ce que ça joue assez fou? Faudrait que ça joue assez fou. Ça serait fun, ça joue assez fou. Ça joue assez fou. Oh. Bon, hein. Leur album s'appelle Get Back. Présentement, sur le palmarès, c'est Ambulance City. Il m'a dit, oh, mais Ambulance City, c'est bon, là. Mais c'est pas The Second Summer of Love. Bon, c'est le genre. Blabla. Super. Pourquoi l'anecdote? Je sais pas, mais ça fait de quoi à dire. Second Summer of Love par Pink Mountain Tops. Pink Mountain Tops. Le sommet de Montagne Rose. Rose, en effet, le meilleur genre de sommet. Vous êtes à l'assemblage requis. Je sais pas, Rose, ça a l'air d'un beau sommet, je trouve. Oui. Ça a l'air couché de soleil, je trouve. C'est vrai. Justine Renaud, toujours en attente de sa chronique scientifique dans quelques instants. Mais avant ça, on va retourner en musique. Et après ça, le cas échéant, s'il n'est pas là, ben on va faire C'est un fait tout de suite. Mais voilà. Parce qu'elle sait qu'on n'a pas encore trouvé son nom de chronique, elle nous laisse du temps pour y penser. C'est ça, mais on veut les faire devant elle. Des mots qui riment en in. C'est pas évident. Vraiment pas. Pour une collègue scientifique, ça... Ouais, c'est ça. C'est facile de trouver des mots en in. Mais est-ce que ça va faire du sens avec la chronique? Hémoglobine, peut-être. Oh, attends, j'aurais dû le dire avant de t'entendre. Ok. Si c'était en latin, j'appellerais ça Amor Blitz. Voici ma plus belle psycho. Je sais pas. Je sais faire un lien avec la chanson. C'est-tu du latin, d'italien, ça? Amor! C'est la pièce ma plus belle, Psychose, Assemblage requis. Maintenant, on va parler de choses qu'on veut savoir. En fait, on va s'en discuter pour essayer de comprendre la vie. Voici, c'est un fait. Ouais. Des choses que tu sais pas, des choses que je sais pas, c'est un fait. C'est un fait. Des choses que tu sais pas, des choses que je sais pas, c'est un fait. C'est un fait, c'est la chronique des choses véridiques, véritables et vérifiables, mais pas des bonnes chansons, malheureusement. Pas des bonnes chansons thème. Bon, moi, cette fois-là, j'étais sur le beat. Et voilà, je pense qu'on s'est quand même bien suivis. C'est une de nos bonnes fois. Au moins, il faudrait ne pas être sur le beat ensemble. C'est ça, c'est ça. Il y a peut-être un délai entre quand la chanson joue dans nos écouteurs et joue en ondes. Peut-être qu'on n'est pas exactement sur le beat. On sait pas. Donc, c'est un fait Geek Edition aujourd'hui. Donc, on parle de choses qui ont rapport avec la technologie, la science, les choses nerd geek. C'est cool? Ça me stresse. Bon, on va commencer avec un savant autiste. Ah. Donc, un des langages, une des langues les plus difficiles à apprendre dans la vie a été apprise en une seule semaine par un savant autiste. Il a réussi à prouver ses capacités en participant à un talk show en Islande. Il a fait l'entrevue en islandais au complet et il avait appris la langue en une semaine. Wow! Daniel Tammet a le syndrome du savant. Donc, c'est une condition où la personne a un handicap mental, comme l'autisme, et a des capacités prodigieuses à apprendre. Donc, Daniel s'est défié lui-même à apprendre une des langues les plus compliquées en une seule semaine. Quand il est allé devant les caméras pour parler dans ce talk show, il répondait aux questions de l'intervieweur avec le bon contexte et la bonne utilisation des mots dans la phrase. C'était pas juste de la traduction littérale de chaque mot, comme on ferait les constructions de phrases. C'était correct. Oui. Bravo. Ensuite, un homme a parlé, parlant de langue, seulement Klingon à son fils pendant ses 3 premières années d'existence. Ça, c'est bizarre. C'est freak, je trouve. Klingon, c'est la fausse langue, une langue inventée par ceux qui écrivent l'émission Star Trek et les films. C'est tellement pratique hein, que sa langue maternelle, ce soit une langue qui n'existe pas, parler sûrement sur une planète qui n'existe pas. C'est vraiment, vraiment brillant. La seule place où on peut utiliser le Klingon, c'est au Comic-Con, genre. C'est pas mal de ça l'endroit. Donc, c'est utilisé dans des conventions, mais très rarement dans la vie de tous les jours. Donc, c'est étrange qu'un monsieur qui s'appelle Darmond Spears, elle essaie de parler à son enfant seulement en Klingon pendant les 3 premières années de sa vie. C'était un défi que Spears s'est donné. Il y a plusieurs... c'était un défi encore plus parce qu'il y a plusieurs mots qui n'ont pas d'équivalent en Klingon dans Star Trek. Ouais, mettons, ouais. Ils n'ont jamais utilisé le mot couche dans Star Trek, donc ils pouvaient pas utiliser le mot couche, ni le mot bouteille. Mm-hmm. Donc c'était pas très facile. Ils utilisaient par exemple, mettons pour une table qui avait pas de mot dans Star Trek non plus, une chose plate. Genre, d'accord. C'était le nom qu'il utilisait en Klingon. Sa femme, elle, parlait anglais à son fils, comme le veulent les gens normaux. leur fils parlait rarement lui-même en Klingon. Il comprenait apparemment. Donc, sa prononciation quand il parlait le Klingon, le fils, était excellente selon Spears. Il dit « Je ne vais pas aux conventions de Star Trek. Je ne porte pas de costume de Star Trek. » Il a dit ça en entrevue à Wired. La raison pour laquelle il a fait ça, enseigner le Klingon à son fils, était de mieux comprendre comment les enfants apprennent le langage. Mais il aurait pu l'essayer avec une langue plus pratique. Quelque chose d'utilisable plus tard. Mais même, je comprends pas pourquoi... ça l'aiderait à voir comment les enfants apprennent le langage. Parce que déjà, juste avec l'anglais, t'aurais pu constater comment les enfants apprennent le langage. C'est un très bon point. Je dis ça comme vraiment. Ça, là. C'est ça, il commençait vraiment, son fils, à apprendre la langue. Éventuellement, il était obligé d'arrêter le père, M. Spears, parce que son fils arrêtait d'écouter aussitôt qu'il parlait Klingon. Il était juste tanné d'entendre parler Klingon. c'était clair qu'il aimait pas ça. Et le père dit, je cite, « Je voulais pas que ça devienne un problème. » Ben oui, hein, bravo. Ben oui, après 3 ans, tu sais. Hein? Oh, le mal est fait. Le psychologue est déjà payé pour l'avenir plus tard. Il y a une femme de 75 ans en Géorgie, le pays et non l'État américain. Je dis ça pour Mme Sarah Palin, notre auditrice fidèle. Donc, qui a éteint Internet pour le pays au complet en 2011. Hein? C'est vrai. Donc, en 2011, le ministère de l'Intérieur en Géorgie a confirmé que la femme avait admis avoir endommagé les câbles de fibre optique en faisant une chasse au cuivre dans le village de Ksani. Résultat, toute l'Arménie, le pays d'à côté, a perdu Internet pendant la journée au complet. La femme est maintenant accusée et pourrait aller pendant 3 ans en prison. Elle a trouvé le câble en ramassant des morceaux de métal et a coupé le fil pour essayer de le voler. Le fil en tant que tel. La femme dont on ne connaît pas le nom a coupé une ligne, un câble, mais ça a affecté tous les trois fournisseurs Internet de l'Arménie. Heureusement pour les gens qui vivent en Arménie, le service est revenu avant minuit le jour même, donc minuit à 23h59. Mais il a quand même été efficace. Vraiment rapide comme service, bravo. Les fournisseurs ne sont pas certains comment elle a été capable de rejoindre le fil qui était très, très bien protégé. La protection était robuste autour du fil d'ici. Ben ouais, mais c'est relatif. Quand tu veux faire de l'argent sur du cuivre, du métal, toutes les méthodes sont bonnes. Hein? Oui. C'est ça. Ensuite, on sait enfin pourquoi les batteries perdent de la capacité avec le temps. Tu sais, c'est frustrant, t'achètes un nouveau téléphone, ça va super bien, un laptop, c'est génial. Après un an au moins, mettons que t'es chanceux si t'es capable de passer la journée au complet, tu sais. Je te dirais que aussitôt que je débranche mon ordi, il s'éteint. C'est ça, c'est un HP. C'est ça, c'est typiquement HP, ce genre de problème. Ouais. c'est ça, après un an, ou tu sais, souvent le lendemain de la garantie, c'est là que ton appareil commence à moins bien aller, ta batterie meurt plus rapidement. Les compagnies essaient pas, en fait, de vous faire acheter une autre batterie, nous dit-on, selon une étude, évidemment. Donc, ils essaient pas de vous faire acheter une autre batterie, c'est que les batteries, les piles vont naturellement se dégrader. avec le temps. Et on ne savait pas pourquoi jusqu'à récemment. Les scientifiques du U.S. Department of Energy ont fait deux études où ils ont vraiment regardé les matériaux, le cathodique, anodique et autres affaires que je ne connais pas. Là. Et ils ont découvert que lorsque les ions de lithium-ion, c'est les batteries, lithium-ion? Oui, bien sûr. Lorsque ça passe à travers la batterie, une réaction fait que ça crée des petits cristaux sur les canaux des ions. Là, mm-hmm. C'est encore des termes super scientifiques. J'imagine que Justine serait capable de nous expliquer ça mieux. Mais ces cristaux-là vont altérer ou changer la structure de la batterie, de la pile. Ils vont faire que les autres ions vont bouger moins efficacement, ce qui va abaisser la capacité utilisable de la batterie. Donc, c'est une petite faiblesse dans les matériaux utilisés qui cause ça. Il n'y a pas de façon de s'en débarrasser complètement de ces imperfections-là. En fait, une façon de possiblement d'améliorer la vie des piles serait de remplir les piles d'autant d'imperfections que possible, de plus d'imperfections. OK. On pourrait éventuellement comprendre, trouver une façon de diviser ces petits cristaux-là pour améliorer les vieilles batteries aussi. Ah! Un jour. Intéressant! Ensuite, il y a eu 400 milliards de briques Lego produites dans le monde. C'est 62 Lego par personne. Oh, ça en fait, ça, des Lego en dessous des pieds? Donc, la célèbre compagnie de jouets danoise Lego fabrique ses blocs classiques depuis 1949. Aujourd'hui, ils vendent des produits dans plus de 130 pays. Environ 19 millions d'éléments de Lego sont produits par année. Et en date de 2008, au-dessus de 400 milliards de blocs Lego donc, ont été produits. Et ça fait... pourquoi est-ce qu'on répète trois fois que ça fait 62 blocs Lego par personne dans l'article. Donc Lego, on dit pas l'ensemble. Lego a commencé à vendre des ensembles de Lego dans les années 50, en a développé des milliers depuis. Aux États-Unis, Lego lance en moyenne 130 nouveaux ensembles de Lego par année. C'est des boîtes thématiques, 130. C'est dans vraiment beaucoup. Vraiment. Environ 7 ensembles de Lego sont vendus par seconde dans le monde. Wow. Hein? Ville, donc town, space, l'espace, château, castle et pirate sont les thèmes qu'on appelle evergreen, c'est-à-dire qu'ils restent tout le temps là. Mm-hmm. C'est du intemporel, comme on dirait des fois ben en français. Oui. Donc, eux ont toujours une place dans le cœur des fans de Lego. Présentement, c'est Lego City qui est la thématique numéro 1 la plus vendue dans le monde. D'autres best-sellers sont Lego Star Wars, Bionicle et Lego Indiana Jones. Moi, j'avais tellement juste le kit de base. Tu sais, standard, là. Ouais, c'était juste des Lego et... Arrange-toi pour faire quelque chose avec ça. Une plaquette verte, peut-être, tu sais, mettons. Ouais, c'est ça. Fais-toi une maison là-dessus, c'est arbre. Ouais, mais je faisais tant une petite maison avec une petite voiture. Puis des fois, je me gâtais, je me faisais un petit skidou. Un skidou? Oui, je me faisais un petit skidou. Est-ce que t'avais une petite poupée Ken là-dedans dans ta petite maison? Ou tu Ken? Je sais pas, tu mélangeais-tu Barbie avec Lego, tu sais, ou c'était. J'ai jamais vraiment joué avec des Barbie. Non, honnêtement, moi, je jouais avec des Lego et des petites voitures sur un petit tapis de course. C'est hot, c'est hot. Il y a une industrie complète qui est dédiée à faire les devoirs des étudiants, mais pour des professeurs sans emploi. Hein? Ouais, c'est bizarre. Hein? N'importe qui de paresseux sur un campus universitaire peut commander un texte, un essai, hein, de la part d'un professeur sans emploi et l'avoir à temps dans les deadlines, avant la date de remise demandée, bien sûr. Donc, ils vont recevoir leur assignation, leur thématique d'écriture. Ensuite, on va aller sur le site, on va bider, miser sur un professeur. Après ça, l'étudiant va pouvoir choisir qui il veut comme professeur, basé sur les prix que les professeurs suggèrent ou proposent. Le travail est complété avant la date limite et peut être imprimé facilement. Le problème pour les professeurs sans emploi, qui enseignent toujours... Ben, dans le fond, c'est ça. Attends un peu. C'est ça. Oui, vu que c'est les professeurs qui font des nouveaux textes, il n'y a aucune façon de se faire prendre pour plagiat, donc ce site est assez populaire en ce moment. Je l'ai trouvé parce que ça dit sur le site de fait que le site web ne devrait pas être nommé pour des raisons morales, mais je l'ai trouvé, c'est unemployedprofessors.com. Wow! Hein? Et ça dit que ça engage, ce site-là engage que des professeurs qui ont une maîtrise ou un doctorat. Donc, on va savoir que le texte va être de qualité et que ces gens-là n'ont pas d'éthique. Aussi. Genre. Vraiment. Vraiment pas. c'est super beau, genre sur le site, il y a plein de bandes dessinées de gens paresseux à la place de travailler sur leurs devoirs comme leurs colocs qui sont en train de dormir et de s'amuser. T'sais. D'aller sur Facebook. D'aller sur Facebook. Et voilà. Donc, c'est unemployedprofessors.com. Tu sais, c'est pas du plagiat, mais ça reste triché. Hein? C'est pas mal la triche. C'est même la définition même de tricher. Ouais, c'est assez de base. Tu connais les compagnies de jeux vidéo comme Acclaim? Activision, peut-être? Oui, ça. Connais-tu Accolade? Et Sûrement que j'ai déjà vu ça. Non, t'as déjà pas vu ça. Non? Ça, c'est la réponse est non. Non? Non. Donc, Accolade est une compagnie de jeux vidéo fondée en 1984 par Alan Miller et Bob Whitehead, les mêmes personnes qui avaient précédemment démarré la compagnie Activision. Okay. Activision, qui était le premier développeur de jeux vidéo tiers parti. Miller et Whitehead ont choisi le nom Activision parce que ça venait avant Atari dans l'alphabet. Ensuite, ils ont choisi Accolade parce que ça venait avant Activision dans l'annuaire. Ah, c'est fort. Hein? Donc, chacun voulait avoir l'air supérieur au reste. C'est n'importe quoi. Être au sommet de la liste. Plus tard, d'autres ex-employés d'Activision ont démarré d'autres compagnies de jeux vidéo. Acclaim a été nommé parce qu'il était avant Accolade aussi. Ça n'arrête plus. Donc, un autre groupe d'ex-employés d'Activision ont dit « On peut le faire nous aussi. » Ils ont démarré Absolute Entertainment. Voilà. C'est n'importe quoi. Tu connais la chanson de Rick Astley « Never Gonna Give You Up ». C'est un classique. Un classique qu'on appelle le Rick Rolling. En avril 2008, on estime qu'il y avait eu 18 millions d'Américains adultes qui avaient été Rick Rollés. C'est donc le phénomène où on poste un lien qui mène vers quelque chose qui a l'air vraiment intéressant, mais ensuite ça mène à ce vidéoclip célèbre de Rick Astley de 1987. Es-tu sérieux? Ce jour, ça s'appelle le Rick Rolling. C'est génial. C'est génial. Donc, le Rick Rolling a pris de la place plus loin que le web avec le temps. Et le vidéoclip et la chanson ont été joués dans d'autres situations, dans des endroits publics. Par exemple, en 2008, lors du Poisson d'avril, plusieurs exemples de Rick Rolling ont eu lieu sur Internet. Et toutes les vidéos sur la page d'accueil de YouTube étaient toutes les captures d'écran menaient toutes vers le vidéoclip. C'est parfait. Sur YouTube, c'était génial. C'était en 2008. En 2010, la chanson avait été jouée 39 millions de fois. Mais malgré ça, on dit que M. Rick Astley lui-même n'a reçu que 12$ en performance, en royauté, royalties, l'argent les kickbacks qu'on reçoit de la part de YouTube. Étant donné que Astley n'a pas composé la chanson, tout ce qu'il reçoit, c'est la part du performeur de la chanson, ce qui est vraiment presque rien. C'est pas important la personne qui chante, c'est la personne qui écrit. Ben oui, mais il n'y a personne qui le sait. C'est ça. Personne qui sait ça. Mais lui, il sait. Dieu. Mais au moins, ça l'a remis sur la map. Ça lui a donné une deuxième carrière. Ben, c'est une vedette, là, Rick Astley. Vraiment. Si vous êtes un utilisateur de Mac, vous n'allez peut-être pas voir les meilleures offres sur les sites de voyage comme Orbitz.com aux États-Unis. Donc, le site de voyage Orbitz était au centre d'une controverse en 2012. On a dit qu'il ciblait donnait des chambres d'hôtel ou en tout cas montrait des chambres d'hôtel avec des prix plus élevés aux utilisateurs de Mac. C'est important de noter que la compagnie ne ferait pas les mêmes chambres à différents prix, mais plutôt différentes chambres qui avaient différents prix. T'sais, on va pas te montrer, mettons, pour la même chambre, on te donnera pas un prix inférieur sur PC et un prix supérieur sur Mac. C'est juste qu'on te montre différentes chambres qui sont, plus chères ou moins chères, on se comprend. Donc, pour répondre à la controverse, la firme de relations de presse de Orbitz a sorti un petit communiqué disant que la compagnie avait appris que les utilisateurs de Mac ont plus de chances de booker des chambres plus chères. Et ce, même lorsqu'ils bookent dans le même hôtel que les utilisateurs de PC, ils vont tout le temps choisir une chambre plus chère. Mais tu sais, c'est une façon de penser différente que les utilisateurs de Mac ont en général dans la vie. C'est qu'à la place de payer moins cher pour quelque chose de moins bon, on paye plus cher pour quelque chose de meilleur. Tu sais, mettons, c'est ce qu'on, de mieux. C'est ce qu'on a tendance à faire. Oui, sauf que peut-être que c'est pas à d'autres personnes de décider ça. C'est ça, c'est à toi de voir et choisir la meilleure chambre selon tes critères. Pour ce qui te convient. Exact. Parce que je sais que les utilisateurs de Mac sont très, très cheap, tu sais. Ben oui. Vraiment, vraiment extrêmement cheap, ben oui. Donc, la compagnie dit qu'elle essayait de suggérer une chambre qui était plus relevant, donc qui était plus appropriée pour toi, donc pour le client, en utilisant des données qui sont automatiquement envoyées à Orbitz lorsqu'on visite leur site web. Ils appellent ça Predictive Analytics. Tout ce que l'utilisateur a à faire pour contourner le problème, c'est que tu peux ensuite aller classer par prix. Tu peux toi-même changer tout simplement. Ils vont pas cacher d'affaires non plus. C'est juste qu'ils vont être en priorité, en vedette sur le site. Bon, mais il n'y a pas de controverse là-dedans. Non, mais c'est... Ouais. Tu sais comment te débrouiller un peu sur un site Internet. C'est ça. Faut être un utilisateur vétéran d'Internet pour connaître comment cliquer sur une en-tête de colonne. Alors, je te dirais juste averti. Peut-être pas vétéran, là. Voilà. Est-ce que tu connais George Danzig? Non. Non. Est-ce que tu connais Matt Damon? Oui. Bon, je te rejoins plus. Tu te rappelles dans Good Will Hunting, le destin de non, Will Hunting? Non, je l'ai pas vu. Le personnage de Matt Damon, un concierge, résout un problème presque impossible. En tout cas, les gens pensaient qu'il était impossible. Lorsqu'il fait le ménage dans une classe de l'université Harvard. George Danzig a fait quelque chose de très, très similaire. Danzig s'est présenté à un de ses cours en retard. Il étudiait pour un doctorat à l'université de la Californie, à l'université de Berkeley en Californie. C'est bien ça. Donc, son cours était enseigné par Jersey Neiman. Neiman avait inscrit au tableau un problème de mathématiques on disait impossible à résoudre à l'époque. Étant arrivé en retard, Danzig n'a pas posé de questions. Il pensait que le problème était le devoir à ramener à la maison. Il s'est dit, bon gars, c'est sûr que c'est écrit sur le tableau. D'habitude, quand c'est écrit sur le tableau, c'est un devoir. Je vais le ramener chez nous, je vais le faire. Il l'a ramené à la maison. Il a créé le Simplex Algorithm, qui est un algorithme pour résoudre des problèmes de programmation linéaire. Wow! Bravo à monsieur. Quand l'élève dépasse le maître. C'est ça, hein? Hein? Ça m'appelle un jeu de mots, ça, sur les lèvres qui dépassent le maître. Ah, oh, mon Dieu! C'est bien drôle, ça. Fallait être. Oui, on est seul à comprendre. Ouais, c'est une blague de lèvres, mais inférieure, c'est dans le... Oui, mais le maître... Étant la longueur de... Mais la blague, tu sais, une fois que tu la comprends avec le contexte, elle est drôle. Fait que le contexte est drôle. Renforcement positif. Elle était drôle, ma blague. Jadis. Maintenant, c'est fini, ça. Vu dans le présent. Bungie, compagnie de jeux vidéo, tu connais Bungie? Tu te demandes tout le temps si il y en a quelque chose. C'est... Bungie, c'est une compagnie de jeux vidéo. Regarde, on va faire une affaire. C'est... Quand il y a quelque chose que je connais, je vais te faire un signe. Tu vas me faire, c'est parfait, j'aime ça. Et le problème que sur le tableau derrière moi, tu le ramènes à la maison, puis tu le résous, puis ça va résoudre ma vie. Ah, OK. Parfait. Fait qu'on s'entend là-dessus. Bungie, qui est une compagnie de jeux vidéo, connue pour, entre autres, la série Halo sur Xbox. Ah, ben oui. Halo. Dans la série, il y a une arme très, très puissante qui s'appelle le Gravity Hammer. C'est un marteau de gravité. Hein? Le gardien de sécurité au bureau principal de Bungie a son propre marteau Gravity Hammer. C'est vrai, son nom, c'est Jerome Simpson, qui est devenu un des employés de Bungie les plus connus et les plus appréciés par les fans qui veulent des autographes, des photos, des poignées de main. Le gars est super, super grand, super, super costaud et un énorme marteau dans les mains à la porte d'entrée. C'est cool, tu sais. Parfait. Plusieurs VIP lui ont demandé de servir comme bodyguard pour eux à cause de sa célébrité, de sa grandeur extrême. Donc, Jerome a admis qu'il ne connaît pas grand-chose sur les jeux vidéo. C'est un détail, ça. C'est un détail. Il n'y a même pas de compte sur Bungie.net. Il n'y a même pas de compte Xbox Live. Rien. Étant donné sa célébrité sur Internet, Bungie a nommé une médaille dans Halo Reach en son honneur. On peut l'avoir en tuant 15 zombies. Ah, c'est cool, ça. C'est un petit hommage sympathique. Ouais, c'est le fun. La dilatation de ta pupille dans ton œil pourrait être une indication de ton quotient intellectuel. Ah? Ça a l'air dur à croire, hein, dit de même. Mais une recherche nous apprend que les yeux peuvent nous dire beaucoup de choses au sujet d'une personne. En particulier, la pupille de l'œil a une histoire à raconter, nous dit-on. La pupille est donc la partie de l'œil qui prend l'expansion ou se contracte pour s'ajuster à la lumière qui entre dans l'œil. Mm-hmm. La pupille de l'œil est contrôlée par le système, le système nerveux autonome. Je crois qu'on dit en français Autonomic Nervous System. Oui, c'est ça. Voilà. Donc, c'est un système qui opère en dessous de ton niveau de conscience. Donc, tu t'en rends pas compte de ce qui se passe. Ouais, c'est là-dedans. Comme respirer, le cœur qui bat. T'as pas vraiment besoin de te concentrer. Exactement, pour la plupart des gens. les études nous apprennent que la pupille va aussi se dilater lorsque le corps va être sujet ou assujetti à plusieurs stimuli. Donc, un stimulus des stimuli, c'est bien ça. Par exemple, un fait bien connu est que la pupille de la personne va se dilater lorsqu'on voit quelqu'un qui nous attire. Oui, oui. C'est déjà un fait qu'on connaissait un peu. On a aussi découvert que le degré de dilatation peut être une indication du quotient intellectuel, comme on disait en début d'article. Les études donc nous disent que lorsqu'on qu'on nous présente un problème cognitif difficile, avec une certaine difficulté, voilà. Donc, la pupille va se dilater en corrélation avec le degré de difficulté. Donc, ce serait possible, apparemment, de comprendre le quotient en voyant que tu trouves le problème moins difficile. Si tu trouves le problème moins difficile, ta pupille n'a pas la même dilatation et donc tu as un meilleur quotient intellectuel. Okay. C'est de l'association. T'sais. C'est pour ça qu'à chaque fois que je parle à mon chat, elle a tout le temps les pupilles super dilatées. C'est parce qu'elle comprend jamais rien et qu'elle est un peu nounoune, c'est ça? C'est ça. Et c'est un chat. C'est non, mais pour vrai, c'est toujours le commentaire que tout le monde passe. Mon Dieu, qu'elle a des grands yeux. Elle a tout le temps les pupilles super dilatées. Pis... Ou encore, ta chatte est lesbienne et attirée par toi. Avais-tu pensé à ça? Non, on dirait que c'était pas non dans mes hypothèses. Pense-y un peu, là, pense-y. Ou pas. Ou pas. Ensuite, allons-y avec le cube Rubik. Tiens, on a une preuve qui nous dit que le cube Rubik peut être résolu. Je veux tout le temps dire résolu, mais c'est clairement résolu. C'est comme quand tu dis au téléphone, j'ai répondu, j'ai répondu. J'ai répondu. J'avion répond. Bref, on peut le résoudre en moins de 20 mouvements. peu importe le nombre de fois qui a été tourné et défait avant. On appelle ça le God's Number, le chiffre, le nombre de Dieu. Donc essentiellement, c'est le temps que ça prend pour faire la plus courte séquence de mouvement. Grâce à Google, qui a fourni 35 années de CPU, donc de processeurs d'ordinateurs, donc d'ordinateurs lorsqu'ils étaient en mode libre et pas en train d'être utilisés, 35 ans, l'équivalent de 35 ans, donc plusieurs ordinateurs mis ensemble pour faire la recherche. Ils ont réussi à résoudre et à sortir chaque possibilité, chaque façon de remettre un cube Rubik en ordre. Et là, le chiffre est incroyable, c'est 43 suivi de 1, 2, 3, 4, 5, 6 paquets de 3 chiffres. Okay. Tu sais, genre. Ouais, ouais. Donc, ça, c'est le nombre de positions. Donc, ils disent qu'une position ou un mouvement, c'est twister un côté. On appelle ça un demi-tour. Demi-tour, ça. C'est super compliqué. C'est vraiment mathématique. Là, c'est au-delà de ma compréhension, clairement. Tu devrais voir mes pupilles se dilater quand on me donne un cube Rubik. Ça me fait des yeux de vache. Là, ça explose. T'achètes à la maison. Elle comprend plus rien non plus. Tu laisses la radio ouverte, j'imagine. Puis elle est comme et sur le dos en ce moment avec les pattes en l'air. Bref, donc, ils ont écrit un programme d'ordinateur, un logiciel pour résoudre tout ça. Et bref, en dedans de 20 secondes, il fallait juste attendre que l'ordinateur calcule. Bref, c'est super complexe. 20 mouvements ou moins. Voilà. Ensuite, la NASA a acheté des bouts de la de navette spatiale sur eBay parce qu'Intel ne les fabriquait plus. Ben voyons donc. J'essaie de le poser sous une question où tu n'aurais pas à répondre oui ou non. Certains connaîtront la loi de Moore. Voilà, après vous avez demandé connaissez la loi de Moore. Certains connaissent la loi de Moore. Probablement. Permettez-moi de vous en parler. Suggéré pour la première fois en 1965, suggère que le nombre de transistors dans un circuit va doubler approximativement à chaque 2 ans. Voulant dire que les ordinateurs sont de plus en plus rapides. C'est démontré par l'exemple du téléphone cellulaire ou de la calculatrice qui ont plus de processeurs, plus de capacités que les ordinateurs utilisés pour les missions Apollo. Oui, j'ai vu ça, ouais. Ouais. Donc, les systèmes de contrôle dans les navettes spatiales américaines ont utilisé dans le temps des processeurs Intel 8086. Le premier processeur X86 sorti en 79. Ce processeur 16 bits avait 1 meg de mémoire et utilisait un address bus de 20 bits. Bref, c'était un dérivé de ce processeur-là qui était utilisé dans les tout premiers PC. Intel a arrêté de fabriquer ça il y a plusieurs années, évidemment, mais étant donné que NASA devait continuer d'utiliser ces systèmes-là, est allé s'en procurer sur eBay en 2002. C'est fascinant. Récent. Ouais, 2002. Ouais. Incroyable. Maintenant, parlons d'addiction ou de dépendance aux jeux vidéo. Mm-hmm. C'est un petit infographique qu'on appelle communément sur Internet. C'est une affichette avec un beau petit graphisme, un beau petit look, tout ça, que vous pouvez aller retrouver sur assemblagerequis.com. Je me suis dit que j'allais en lire une partie. T'sais. Pourquoi pas, on a le temps. Mm-hmm. Donc, en Corée, environ 300 gamers professionnels vivent en Corée. Ils jouent dans 11 équipes. Les compagnies, les corporations peuvent payer jusqu'à 20 millions de dollars par année pour commanditer une équipe de joueurs professionnels. Wow! Mm-hmm. Des matchs dans le jeu StarCraft, qui est le jeu le plus populaire en Corée. Ces matchs-là sont joués dans un stade olympique avec 30 000 fans qui regardent. Ah! Là, ouais, 30 000 non, fans. Non, mais c'est parce que tu vois rien, là. Ben, il y a des écrans géants un peu partout. Mais quand même. Ouais. Ah, mon Dieu. Il y a eu un scandale récemment par rapport au cartel du gambling. Donc, apparemment, il y avait des pots de vin donnés à des joueurs professionnels pour perdre des matchs par exprès. Mais en fait, 72% des citoyens américains jouent à des jeux vidéo entre 6 et 44 ans. Pas de durée de jeux vidéo, mais leur âge. Merci, ça me fait bien plaisir. On dit ici qu'ils jouent en moyenne 18 heures par semaine. Oh, j'ai dit pas par jour quand même. C'est ça, par semaine. Par semaine. C'est ça. 4% des gamers américains sont considérés comme des gamers extrêmes, c'est-à-dire qu'ils jouent 50 heures par semaine en moyenne. 48 Empire State Buildings pourraient être construits par ces gamers extrêmes s'ils choisissaient de construire des gratte-ciels à la place de jouer à des jeux vidéo. C'est 48 tours par semaine. C'est très drôle. C'est vrai, j'adore ces images-là. Pour vrai, je trouve ça vraiment cool. Lorsque le jeu vidéo devient une addiction, une dépendance, c'est selon Online Gamers Anonymous, les effets sociaux sont d'être fâché, l'abus verbal, des fois extrême, pleurs excessifs, manque de motivation et de direction dans ta vie, difficulté à faire face à tes obligations, procrastination, ennui et incapacité à trouver une activité ou un intérêt autre que les jeux vidéo. Et célibat. Célibat. Ça en fait pas probablement partie. Célibat. Symptômes physiques, nausées, maladies physiques, rhume, allergies, des rêves qui ne sont pas réalisés. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que tu as envie de faire? Tu as envie de retourner à tes jeux vidéo? Tu veux essayer de contrôler le temps auquel avec lequel tu vas pouvoir jouer? Donc, essayer de modifier ta vie autour pour que tu puisses avoir le plus d'heures de jeux vidéo possible dans ta vie. T'sais. Avoir l'impression que retourner à tes jeux vidéo va rendre ta vie plus intéressante. Ça, j'avoue. Hein. Obsession, dérangement dans ton sommeil. Donc, tu vas avoir de la difficulté à dormir aux mêmes heures que d'habitude. Des fantasmes et des rêves par rapport au jeu. C'est sûr qu'on joue à Tetris sur le mur. Puis on a des blagues dans la tête. C'est clair. Tu vois, tu fermes tes yeux. Moi, c'est quand je jouais à Guitar Hero. Ouais. beaucoup trop. Mais je me couchais, puis toute la nuit, je voyais des notes passer. Je voyais des boutons passer. Moi, c'est Mario. Je vois des sons partout quand je joue à ça. C'est tellement fun d'avoir ça dans la tête. Tu te couches, t'entends ding! Sommeil excessif aussi. Sommeil excessif, c'est quand même important à noter. Symptômes psychologiques, angoisse ou anxiété, sentiment de vide à l'intérieur, dépression, penser aux jeux vidéo beaucoup trop longtemps, sentiment incontrôlable, changement d'humeur, sourde d'humeur, irritabilité, peur, tristesse et solitude, voilà. 8,5% des Américains, des jeunes en fait américains entre 8 et 18 ans, sont cliniquement complètement accros aux jeux vidéo. 8,5%. Voilà. La plupart des accros aux jeux vidéo sont des garçons. Les garçons, ouais, c'est ça, ont tendance à jouer à plus aux jeux vidéo que les filles. 4 fois plus de garçons sont considérés gamers pathologiques. Côté durée d'heures, le nombre d'heures jouées par semaine chez les enfants entre 8 et 12 ans. 10 heures par semaine pour les filles, 16 heures par semaine pour les garçons. 16 heures, c'est quand même beaucoup. En quoi, 8 et 12 ans, ça t'a dit? Entre 8 et 12 ans, exact. Ça, c'est beaucoup. Je trouve aussi. Mais les parents doivent être déjà gamers, eux autres aussi. Peut-être. Ça doit être pour ça qu'ils laissent leurs enfants jouer autant. Parce qu'on est rendu en 2014 et les parents sont plus jeunes qu'ils étaient. Ben oui, oui, oui. Il y a aussi le fait que les parents, de nos jours, de plus en plus, sans aucun jugement de ma part, peut-être que certains parents utilisent les jeux vidéo comme gardiennes des fois. Oui, probablement. Probablement. Ben, tout comme la télé. Exactement, tout comme la télé. Chez les adolescents, entre 13 et 18 ans, on parle de 8 heures chez les filles et 18 heures en moyenne chez les garçons. Lorsque la dépendance devient mortelle, 40% des joueurs de World of Warcraft sont accros. Je le sais parce que depuis tantôt t'en parles. Depuis tantôt t'en parles, je suis en train de me dire je dois absolument aller à la Auction House. J'ai oublié d'y aller. Je vais pas perdre mes items, ça fait longtemps que je suis allée. Pauvre chouette, là. Mets-toi là-dessus ce soir. Je suis un peu perturbée. Un médecin dit que 40% des joueurs de World of Warcraft sont accros. Une organisation pour les jeunes en Suède a appelé World of Warcraft la cocaïne des jeux vidéo. Je pense que c'est assez évident. Je sais. En 2005, un Coréen, Sung Seob Lee, est mort d'un arrêt cardiaque après avoir joué 50 heures de suite à StarCraft. En 2006, Tyrone Spillman de Philadelphie a tué sa jeune fille de 17 mois après qu'elle ait cassé sa console ou brisé sa console de Xbox. Wow! Ouais. Ça, c'est grave, c'est là. C'est extrêmement grave. En 2007, un adolescent de l'Ohio, Daniel Patrick, a tiré sur ses parents, donc tuant sa mère quand elle lui a enlevé sa copie de Halo 3. Et voyons donc. En 2009, un enfant coréen a crevé de faim. Est mort de faim quand ses deux parents ont passé beaucoup trop d'heures dans un café internet à élever un enfant virtuel dans le jeu Prius Online. Voyons donc. Ils élevaient un enfant en ligne et non leur enfant. Oh mon Dieu. Et finalement, en 2010, Alexandra Tobias a brassé, a shaké son bébé à mort quand les pleurs de son enfant avaient interrompu sa partie de Farmville. Farmville, tu sais, un jeu de loser, un genre de casual game super poche sur Facebook. Farmville. Je vous juge pas, mais Farmville, ouais. Bon, Farmville, je suis déjà arrivée quelques fois en retard à mes cours à l'université à cause de ça. OK. Mais de... Non, mais c'est ouais, non, c'est gênant pareil. Tu sais, c'est mieux que peut-être Bejeweled. En même temps, non, je pense que Bejeweled, c'est mieux que Farmville. Mais je sais pas, j'ai arrêté de jouer à ça justement parce que c'est beaucoup trop... ça prend beaucoup trop de ta vie. Ouais. Tu te lèves le matin, c'est la première chose que tu dois faire. Puis j'aime pas ça. Parce que si tu y vas pas, tu perds tes récoltes et tout ça, t'es obligé d'y aller. Je veux pas avoir ce genre d'obligation inutile dans la vie. Ah. Déjà que t'es dans les Sims, tu fais ton ménage dans les Sims, puis autour de toi, dans ton appartement, c'est crotté parce que tu fais le ménage dans les Sims. Ça, c'est complètement ridicule. C'est ton Sims est riche, va travailler, puis toi, tu restes chez vous, puis t'es pauvre. Ah. Tant qu'elle est dans les jeux vidéo, on va continuer là-dessus avec l'impact environnemental des jeux vidéo. OK. Le nombre total de jeux vidéo et de consoles vendus compose environ 6 milliards de livres. Sterling de, ou de, en poids? De pesanteur. 2,5 milliards de livres, alors que 1,72 million de livres sont recyclés. Si tous les jeux et les consoles produits par Nintendo finissaient dans un dépotoir, ce serait le poids de plus de 5555 statues de la liberté. Wow. Oh, wow! C'est une autre infographique, hein, donc c'est des affaires super intéressantes. À ce rythme-là, ça prendra à Nintendo 1453 ans pour recycler tous les jeux et les consoles qui sont vendus. Mais faut pas faire ça, faut les garder. Ouais. En fait, je pense que si je vois bien l'image, faut les garder et les revendre après. Le total de 2,5 milliards de livres a le logo de Nintendo dessus. Donc, je crois que c'est seulement ceux qui sont produits par Nintendo. Oh, tout à l'heure. Ça prend 4 gallons d'huile de pétrole pour faire une livre de plastique. Si tous les jeux étaient téléchargés à la place de fabriquer sur un morceau de plastique et avec les boîtes et tout, on économiserait 2,4 milliards de gallons d'huile de pétrole cru, crude oil, il y a un mot sûrement français pour ça, ou environ 4 fois la consommation annuelle de l'Italie. Oh, donc c'est une bonne chose. Ce serait bien. Le téléchargement, on parle pas du téléchargement illégal, mais juste le... Oui, oui, sur... Les boutiques Nintendo, entre autres, en ligne. Ouais, c'est ça. Voilà. PlayStation Network et autres, Xbox Live. Présentement, il y a plus de jeux vidéo, il y a plus de jeux vidéo qui existent que de gens sur Terre, de jeux vidéo, de noms, de titres de jeux vidéo. Intéressant. Vraiment. Le plastique utilisé pour fabriquer la majorité des jeux et des consoles ne se décompose pas du tout. OK. Du tout. Si tous les jeux de Call of Duty étaient téléchargés au lieu de fabriquer sur plastique, ça aurait le même impact qu'enlever 20 131 voitures de la route pendant une année. Wow! Juste les Call of Duty. Mais il y en a beaucoup. Oui, il y en a vraiment beaucoup. Des dérivés, des 1, 2, 3, sous-catégories. Ils sont sur... toutes les consoles, je crois. Ouais, Jean. Ouais. Environ. Est-ce que tu veux deviner le jeu vidéo le plus cher qui a jamais été produit? Plus cher, le coût de production? Le coût de production. Pour vrai, j'ai aucune idée. Ça pourrait être tellement de choses. C'est une série très populaire où on tire sur des gens et on fonce dedans avec notre char. Grand Theft Auto? C'est Grand Theft Auto 5 de 2013 qui a coûté 265 millions de dollars à produire. Ensuite, c'est Star Wars The Old Republic en 2011 qui a coûté 200 millions. Ah, ensuite, oui. Ouais. Disney Infinity, tu sais, les petites figurines un peu à la Skylanders, mais de Disney. Ah, je ne connais pas. C'est super cute, c'est vraiment le fun, mais ça coûte vraiment cher pour les parents. Oui, c'est ça, faut pas s'embarquer là-dedans, okay, ça finit pas. J'ai vraiment envie parce que je trouve ça vraiment beau. Ouais, vraiment. Mais... Ça vaut 100 millions de dollars fabriqué en 2013. Red Dead Redemption est ensuite aussi à 100 millions en 2010. Même chose, 100 millions en 2008 pour Grand Theft Auto 4. Ensuite, Gran Turismo 5 sur, en fait, sur la plupart des consoles aussi en 2010. Non, PlayStation. Non? PlayStation seulement. Oui. Okay. 80 millions de dollars. Tu sais parce que tu l'as cherché sur Xbox et il l'avait pas, j'imagine. Comment? Gran Turismo 5. Ah, écoute, ouais, mon ex-copain avait acheté une PlayStation seulement pour ça. Moi, je déteste ce genre de concept-là d'être obligé d'acheter une console pour une série. Mais je le fais... Ouais, sur Xbox, c'est Forza Motorsport. C'est vrai. Sur PlayStation, c'était les Little Big Planet. Oui. Sur Xbox, c'est les Crash Bandicoot que je voulais acheter. Moi, c'était Oddworld qui était seulement sur Xbox. C'est sur PC maintenant, je pense aussi. Oui, exactement. C'est mon bonheur. Oui, on parle rarement de jeux vidéo, on devrait faire ça plus souvent. En 99, Shenmue a coûté 70 millions. Shenmue. Ben, y en a qui vont dire Shenmue, il y en a qui vont dire Shenmue. Il y en a plein de prononciations. Tu veux dire l'arbre coulant, là, le Shenmue? Le Shenmue. C'est ça? Non, c'est notre nouvelle station sœur, la chaîne, c'est mou. Shenmue 99, donc 70 millions de dollars. To Human en 2008, 60 millions. Metal Gear Solid 4, 2008, 60 millions. Et finalement, Halo 3, ou Halo 3, je pense que j'ai dit des chiffres en anglais à tout le reste, en 2007 à 55 millions de dollars. Ça inclut le développement et le marketing des jeux. C'est estimé, c'est les budgets estimés des jeux vidéo les plus chers de tous les temps à produire. C'est énorme, je pensais pas que c'était si gros que ça. Ben, comme on dit, les jeux vidéo rattrapent et dépassent probablement en ce moment l'industrie du cinéma. Je crois que oui. Vraiment. Oui, mais honnêtement, on s'entend, il y a des jeux vidéo qui sont des films... eux-mêmes. Avec les cinématiques dedans, Il y a des scénarios mille fois plus intéressants dans certains jeux parce que la durée de vie déjà est plus grande que pour un film. Donc, tu peux déjà beaucoup plus développer ton scénario pour le jeu. Et sûrement qu'ils ont plus de temps aussi à passer certains jeux sur... plus de temps à passer sur le scénario et la cinématique, tout ça, c'est... J'imagine. Ouais, ouais. Le public est plus... comment dire, s'attend à mieux. C'est le public qui va au cinéma, tu sais, qui est là pour payer peut-être 8, 10$, peut-être 12, mettons, comparé à 60, 70$ pour un jeu vidéo. Ouais, c'est ça. Et tu t'as une attente. Si tu vas voir un film, tu es là pour te divertir, t'éteindre le cerveau, tu veux pas nécessairement penser. Surtout les blockbusters américains, parce ouais, que là, ouais. On parle aussi de blockbusters pour les jeux vidéo qu'on a donné là tantôt, mais c'est des blockbusters de qualité plus que la plupart des blockbusters. Et souvent, l'attente est plus longue pour les jeux. Il y a une attente qui est créée. Alors que pour les films, il n'y en a pas tant que ça là, que tu vas créer une attente à long terme. Là, alors que ouais. Les jeux, tu peux l'attendre pendant plusieurs années, comme Diablo. Mmh, Diablo 3, c'est ça? 3, je pense. Ouais. Que c'était vraiment, vraiment très, très long avant que ça arrive. Là, donc, t'as pas le choix que ce soit vraiment impeccable là, tout à fait. Quand t'as une attente comme ça. Et à parlant de vente, on va aller avec les consoles pour terminer cette chronique de C'est un fait Geek Edition. Les consoles qui ont coûté le plus cher de tous les temps par rapport à leur prix de lancement. On va aller rapidement quand même. En 2006, la PS3, son prix de lancement était... attends, il n'y a pas les prix de lancement? Est-ce que ça l'est? OK, oui, excuse-moi. Le prix de lancement en équivalence en 2013, si on l'achetait aujourd'hui avec l'argent d'aujourd'hui, on l'aurait payé 579$ la PlayStation 3. Ce qui n'était pas son prix de départ. Oh, OK, ouais. Ensuite, la Xbox One, son prix de lancement était 4... Ah, excuse-moi, le graphique est trop compliqué pour moi à lire. Je pense que je vais le laisser tomber. Parce que sinon, je vais devoir y réfléchir pendant un bon 30 secondes et je ne pensais pas me rendre jusque-là dans cet effet. Parce que d'habitude, j'arrête avant la fin de la chronique, c'est ça. OK, on va se reprendre et on va revenir après la pause. Parfait. Avec d'autres choses. Hey, finalement, j'aime ça, le geek. OK, fait que Geek Edition plus j'ai ça. J'ai du fun. Yes, moi. Super. Assemblage requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. Bonjour, c'est toujours Assemblage Requis. Elle s'appelle Stéphanie Paradis. Lui s'appelle Mathieu Plante. Oh, ça, c'est vrai, ça, c'est vrai. Vous êtes toujours à l'émission matinale en pièces détachées. On a du plaisir, on a parlé de choses geeks tantôt, c'était bien le fun. Mais ça fait, je dirais, probablement une bonne demi-heure qu'on n'a pas écouté une chanson. Ah? C'est vrai. Tant que ça? Pas mal plus même, je pense, d'après moi. OK. Donc, on s'en va entendre. Vogue Dots sur le palmarès anglophone, tout de suite. Sur C'est fou. 89.1 FM. Tu commences à prendre le goût à chuchoter comme dans la pub. En direct de partir de 7h30. C'est le fun de chuchoter à la radio. Non, c'est un bon plan, ça. C'est un bon plan. On vient d'entendre Vogue Dots avec une pièce du palmarès anglophone. Est-ce que tu la vois d'ici, la pièce de Vogue Dots, c'est quoi? C'est Skating. Voilà. Je la voyais pas, mais je m'en suis souvenu étrangement. Oh. Ben, c'est ça. C'est une anecdote, certains pourraient dire, par rapport à la mémoire à court terme, Steph, n'est-ce pas, qui serait vraiment intéressante à plugger là. Oui, est-ce que tu veux que je raconte mon anecdote par hasard? C'était ce que je voulais. Ouais. Non, ben, hier, ça cogne à la porte chez nous, hein? Des choses qui arrivent. C'était la voisine au-dessus. Oui. Elle dit, ben, bonjour, t'sais, demain, ça se peut qu'il y ait eu un peu plus de bruit, on voulait vous avertir pour que vous paniquiez, puis blablabla, etc. Il dit, et en passant, je me présente, je m'appelle, insérez un nom ici, et moi de répondre, mais enchantée, moi c'est Stéphanie. J'ai aucune idée c'est quoi son nom. Mais pourquoi est-ce que tu t'en rappelles pas? Parce que j'étais pas prête à l'assimiler. C'est ça. Moi, faut que tu me dises, écoutez, mademoiselle, je vais vous donner une information, soyez prête à la recevoir et à la retenir. Moi, tu me lances une information comme ça, tu me lances un nom, c'est rentré d'un bar, c'est sorti de l'autre, j'ai aucune idée comment il s'appelle. Puis je me sens mal, parce que pour une fois, j'aurais pu me rapprocher d'un voisin. Ah oui. Elle avait l'air sympathique, c'est quand même sympathique d'aller cogner, ouais. Puis de dire on est désolé, mais il y a quelque chose qui se passe, puis c'est ça, ça va finir à telle heure. Merci. Tu vas la croiser. Oui, mais je peux pas y redemander son nom. Non, c'est « Hey, salut toi ». Malgré que faudrait que je dise « Excuse-moi, c'est quoi ton nom? » Non, mais faudrait que je le fasse la première fois qu'on se revoit. Sinon, ça l'embête la deuxième fois. Si t'attends 2-3 mois, là, c'est malaisant. Ouais. Là. L'important pour être capable d'assimiler de l'information, c'est de commencer chaque affaire que tu veux savoir par la chanson thème de « C'est un fait ». Bonne des idée. Choses que tu sais pas, mais c'est pas ça qu'on fait. Ouais. On est rendu aux instructions d'assemblage et ça, elle a une chanson thème qui est chantée, mais pas par nous. Ah, ça va faire du bien, ça. Ouais. Je trouve aussi. Ouais. Nous vous remercions d'avoir acheté le machin. La poursuite de ces instructions vous conduira à son assemblage. Étape 1. Prenez d'abord le bidule et l'insérez tout au fond du tige numéro 2. Retournez ensuite la tournevis numéro 24 contre vous. Prenez quelques vis numéro 77 et boulinez ou charpente numéro 39. Serrez ardemment avec la clé numéro 17. Repliez le tige numéro 45A. Ouais, mais ça marche pas! Qu'est-ce que c'est ça? C'est les instructions d'assemblage, une chronique pour apprendre à mieux vivre. On vous donne des conseils de vie. À vous de voir si ça vous tente de les utiliser. Hein. Et moi, je les détruis la plupart du temps. Souvent, tu me remets sur le droit chemin et c'est pour ça que je t'apprécie. Attends, ouais, t'aimes ça quand je te... Pas mal loin. Commençons avec une petite vidéo et on va la regarder et l'analyser ensemble sur ton premier lien. Est-ce que tu l'as devant toi? Oui. Est-ce que ce serait la nourriture que vous mangez de la mauvaise façon et comment les manger de la bonne façon? C'est exact. On va essayer de suivre cette vidéo-là qui est par... Attends un peu, ça va le dire. Il me semble que c'est par BuzzFeed. Je crois que oui. Voilà. Donc, écoutons ça, voir... Nourriture étrangère que vous mangez incorrectement. Des sushis, pour commencer. Il ne faut pas mélanger la sauce soya et le wasabi. Ben, le voyons donc. Et jamais plonger le sushi dans la sauce soya, ce que je fais tout le temps. Le chef a déjà assaisonné le sushi. Et si vous devez appliquer du wasabi en utilisant vos baguettes? Tu me dis qu'à arrêter de la vidéo. La façon authentique de manger des sushis, c'est avec vos mains. Trempez seulement le côté poisson dans la sauce soya quand vous avez le truc au riz et au poisson. Ouvrez grand la bouche et mangez tout ça d'une seule bouchée. On ne parle pas de plusieurs bouchées. Et vous êtes maintenant un professionnel du sushi. Ah, moi, ça, sushi, c'est toujours une bouchée. Tout le temps une bouchée. Parce qu'il faut que tu mélanges tous les ingrédients ensemble. Mm-hmm. Est-ce qu'on avance avec la bouffe indienne maintenant? Oui, parfait. Indienne, go! Laissez faire la fourchette. Et allez-y avec un pain nan ou encore vos mains. Ben voyons donc, c'est tellement plein de sauce, la bouffe indienne. Mais ça dit seulement la main droite parce que la gauche était utilisée traditionnellement pour l'hygiène corporelle dans les cultures indiennes et musulmanes. Bon. Les phrases sont longues des fois. Mettez la nourriture, poussez-la dans votre bouche avec votre pouce. Je pense qu'il faut l'expliquer celui-là. Ta bouchée est dans ta paume de main et tu pousses ton... Ouais, c'est comme si tu la roulais un peu et tu la... Tu te l'envoies fling, slingshot, dans la bouche. Ouais. Ramène maintenant. Attention. Ah. Et go. Arrêtez de mordre, de mâcher vos nouilles. Allez-y et slurpez à la place. Slurp. Ce qui va fusionner différents éléments des nouilles ramen en slurpant. Et ça, c'est un compliment pour le chef. Quand vous arrivez au bouillon, laissez faire la cuillère et allez-y directement avec votre bouche dans le bol, comme on le fait tous. Ah ben, ça, écoute, je pense que je le mangeais correctement. Vraiment, à la fin, évidemment, moi, je mangerais, je boirais. S'il faisait du jus de nouilles ramen comme breuvage chaud à place du thé, ben j'adopterais cette boisson chaude. Et s'il y avait ça comme boisson chaude à la chasse-galerie, je serais tout le temps en train d'en prendre. Pâtes maintenant, des pâtes. Laissez la salade pour plus tard. Les Italiens débutent avec leurs pâtes, leur pasta. Ah ouais? Ne coupez jamais vos pâtes avec un couteau. Mais non, hein? Il faut tortillonner, tourbillonner les pâtes autour de votre fourchette et ne pas slurper comme on a fait avec les ramen tantôt. Mm-hmm. Donc, on ne fait pas ça avec des pâtes. Utilisez le pain pour prendre le restant de sauce dans l'assiette. Ça, je pense que ça va. Avec du beurre, potentiellement. Ensuite, les tacos, qui ne sont pas faits pour avoir une coquille. C'est une coquille de taco? Oui. Une coquille, bon. Donc, les tacos sont supposés être mous. Voilà. Donc, la viande est dans le taco. Des morceaux de viande enveloppés dans une tortilla de maïs frais. Ne rajoutez pas de salade par-dessus vos tacos. Les tacos authentiques n'ont pas de laitue ni de tomates. Ben oui, mais là, ça prend des légumes. Ben oui, un petit peu de verdure pour avoir l'air de moins mal manger, hein, des fois. Ah, des tacos, c'est pas si pire. Non, c'est pas si pire. Seulement des oignons, du cilantro, du jus de lime et bien sûr de la salsa. La coriandre. Ouais, c'est du cilantro en français, ça? Oui, coriandre? C'est coriandre. Je savais pas. D'accord, c'est cool. Et de la salsa, bien sûr. Ben oui. Mais c'est tout, déjà. C'était rapide, mais c'était vraiment efficace, je trouve ça. Oui, mais est-ce que ça va changer nos habitudes? Non. Je pense pas commencer à manger mon poulet au beurre avec mes doigts. Non. Le wasabi et sauce soya ensemble, c'est très bon. Oui. Mais je slurp mes ramen. Ah, voilà, c'est ça. Et on boit le fond de la boîte ou du contenant de ramen. Ensuite, toujours dans les instructions d'assemblage, si vous faites inviter à un mariage, mettez donc la date dans votre iPhone ou votre téléphone ou votre agenda ou votre calendrier. Comme ça, à chaque année, ça va vous rappeler de leur souhaiter « Hey, joyeux anniversaire de mariage, c'est cute. » Des bons amis, tu sais. Ouais. C'est une marque d'affection. Une bonne collation pour les gens qui ont la dent sucrée. On appelle ça le paradis dans un bol. Ouais, là, la barre est haute. Ouais, c'est du pudding à la vanille, de la crème fouettée, du mélange de brownies et des Reese's Cups, ou encore, j'irais avec des Reese's Cups mini. Wow, ça a l'air assez intense cochon. C'est cochonné. Mm. C'est porciné miam. Il manque du bacon, justement. C'est vrai, un peu. Hein? Saupoudré de bacon. Si vous avez une pièce en trop dans la maison, si vous êtes riche, si vous avez un manoir. Ouais, c'est ça. Vous êtes Scrooge McDuck. Ou en français, peu importe. Un autre nom qu'il y avait, j'imagine, le mec canard quelque chose. C'est quoi son nom? De Scrooge. Aucune idée, j'ai même pas le riche des... Picsou, voilà. Donc, si vous avez une chambre en trop, faites comme Picsou et transformez votre pièce en pièce à oreiller. Une pillow room. OK. Des oreillers un petit peu partout, des coussins. Pas juste des oreillers, mais des coussins. Partout sur le plancher, un petit peu de décoration. Un écran géant, moi, je dirais plus un projecteur géant. Oui. On n'a pas le projecteur qui est géant, mais ton mur qui est géant, oui, ton projecteur vers le mur. Hein. Et ça vous fait une super salle de cinéma. Peut-être un petit foyer, quelque chose comme ça. Pour vrai, voir la photo de quoi un ça a l'air. Un petit frigidaire à bière. Un petit frigidaire à bière. Mmh. En effet. Un micro-ondes pour le popcorn. Ça n'arrête plus, hein? Ensuite, comment l'angoisse ou l'anxiété vous affecte? Donc, les effets à long terme de l'anxiété sur le cœur. Bon, on parle de problèmes cardiovasculaires. Mm-hmm. Pour les poumons, hein? Oui. Lungs, poumons, hein? Quand on met l'image de poumon à côté, je suis capable de déterminer que lungs, c'est poumon. Parce que je disais hier, je pense que genre poumon, foie et rein, les mots en anglais me mêlent. Ici, on t'avait mis une photo d'un rein. Est-ce que j'aurais su c'était quoi? Est-ce que t'aurais su que c'était un rein? On sentait que l'image du poumon est un peu plus évocatrice qu'un rein. C'est évident. Donc, pour les poumons, on parle de fonction respiratoire plus faible. Pour le cerveau, on parle de système nerveux qui travaille trop fort. Problème, difficulté à s'endormir, changement dans le cerveau en général. Dans le système immunitaire, c'est un système immunitaire affaibli. Pour l'estomac et le système digestif, on parle de changement dans le métabolisme, de problèmes de digestion et de plus grandes possibilités ou susceptibilités à avoir des ulcères d'estomac. Ça, c'est des problèmes d'angoisse. Mais écoute, moi, le stress, ça cause tellement plein de problèmes. Hein, ça peut être aussi de l'eczéma. Puis avec le stress, palpitations cardiaques, justement, avec les problèmes cardiovasculaires. Et j'ai déjà fait de l'urticaire par stress quand j'étais petite. On pensait que c'était une allergie alimentaire. Souvent, c'est relié à ça. Mais j'ai jamais été allergique à quoi que ce soit. Donc, c'était une question de stress. Wow. C'est ça, fou. Ça là. Prend pas grand-chose des fois pour une Non, situation. Mais je suis quelqu'un de très, très stressé depuis toujours. Donc, je supporte mal ça. Je te comprends. Moi, j'ai l'air de l'extérieur. On me dit souvent d'un gars tellement paisible et Puis genre une fois qu'on calme, te connaît... Fuck non. montrer ce truc mathématique à vos enfants, c'est le truc de la table des mathématiques, la table des multiplications par 9. Qui est la plus dure à retenir? On va essayer de la comprendre parce qu'il y a une image en bande dessinée. D'accord. Ah. Donc, mettons... En bande dessinée, non, c'est des photos. Ben, ouais, j'avoue que c'est des photos avec des légendes ou encore une bande dessinée avec les textes à l'extérieur des images. Parce que c'est pas une bande dessinée. Donc, mettez vos 10 doigts. Si vous en avez 10, évidemment, on veut pas juger personne. Ouais, non, c'est ça. Bon, mettez vos mains, ce que vous avez, dépendant. Mais si vous en avez pas 10, ça marche pas. Sinon, prenez vos pieds, ouais, c'est ça. Donc, mettez ce que vous avez comme membre, bout de membre. Des fois, il y a juste de membre. On peut arrêter là-dessus. Donc, mettez vos mains sur la table. Mettez les doigts. D'accord, attention. Prenez le doigt par lequel vous allez multiplier. Mettons, vous voulez faire un 9 x 4. Prenez le quatrième doigt, qui est dans le fond votre index, parce que là, vous allez de gauche à droite dans vos doigts. Comme quand on lit. Comme quand on lit. Donc, on va insérer, on va rentrer par l'intérieur l'index de la main gauche, dans ce cas-ci, pour faire le 4. Comptez les doigts des deux côtés. Donc, maintenant, ça en fait 5 à droite, 4 à gauche, ça fait 9. OK? 9 x 4 égale 36, parce que tu as 3 doigts à gauche. 3 doigts complètement à gauche, à part le pouce. Là. Ouais. OK? Et 6 doigts à droite, après la bosse, tu comprends? Mettons ton doigt que t'as baissé, là, il y a la séparation entre la gauche et la droite, tu comprends-tu? Le doigt que t'as baissé dans ta main est la séparation. Donc, les trois doigts à gauche de ton doigt baissé, c'est 3. Et il y a 6 comment dire, doigts. Oui. Appelons-les comme ça, mettons. Hein? Doigts à la droite de ta bosse que t'as créé en baissant ton doigt. OK, ça veut dire que si on fait 9 x 5, ouais, ça serait 45. Parce que tu as baissé ton pouce et ça fait la séparation entre 4 à gauche et 5 à droite. C'est pas fabuleux, ça? Hein? Et si on fait 7 x 9, ça fait 63. Hein? Hein? Oh mon Dieu! Pouf, le cerveau vient d'exploser. J'ai les pupilles dilatées. On ramasse les dégâts, oui. Les dégâts de tes yeux, Eden. Oh mon Dieu! C'est génial, je trouve. Je suis flabbergasté. Je peux pas croire qu'on n'a pas appris ça au primaire parce que c'est tellement, mais parfait. Comme mais ça marche juste avec celle-là, par exemple. C'est ça, mais c'est la plus difficile, comme tu l'as dit. C'est la plus difficile. Vraiment. Oh oui. Donc, le doigt et la séparation. Allez voir l'image sur assemblagerequis.com. On l'explique pas mieux. Ça vaut la peine. Si jamais vous avez une petite faiblesse en mathématiques, ça vaut vraiment la peine. Et pour ceux qui cherchent sur assemblagerequis.com, des fois, les gens vont me dire ben, comment dis-je, j'ai de la difficulté à trouver un lien. Oui, bon. Ouvre la section Les instructions d'assemblage et vas-y avec le fait textuel le plus proche. Et vas-y. Parce que des fois, c'est des photos, puis le titre de la photo, c'est http://, puis un nom photo, tu sais. Ouais. Fait qu'allez-y avec le plus près textuel que vous avez vu, puis suivez après ça pour aller au suivant. Par exemple, le prochain, c'est justement une photo, donc ça commence par pic.twitter.com sur assemblagerequis.com. C'est pour déterminer l'âge d'un œuf. Ah, ça, je connais ça, ce truc-là. On passe de la table des multiplications 9 par les 9. Un 9 et sa fraîcheur. Ben, si tu le sais, tiens, explique-moi donc comment est-ce qu'un œuf aurait l'air frais dans l'eau maintenant. Ben frais, il va caler. Il va caler. Tout simplement à l'horizontale dans le fond de l'eau. Voilà. Ensuite, un œuf qui date d'une semaine. Le gros, t'as une partie qui est beaucoup plus large de l'œuf. On va voir, il va comme commencer à relever un peu vers le haut. Il va commencer à flottiner. C'est le Miley Cyrus des œufs. Il fait du twerking, il se montre les fesses par en l'air. T'sais. Ouais, avec un peu plus de classe quand même. Un petit peu, puis elle sent la langue sortie de... C'est ça, il lèche pas de marteau. Un œuf qui est plus bon, donc on devrait pas le manger, qui est entre 2 et 3 semaines. Ben rendu... non, c'est encore bon. Ben je trouve que stale, ça veut dire qu'il est comme rendu quasiment à tablette. Tu sais, c'est comme... Non? Non. Ça se mange encore? Qu'est-ce que tu fais avec la salade aux œufs? N'importe quoi! Oh oui! Il va être complètement à l'horizontale, mais il est encore dans le fond. À la verticale. Verticale, avec pardon. Avec le sommet, la tête en bas. Horizontale, verticale, gauche, c'est pareil, droite. Voyons la donc. Même chose. Voyons. Et quand tu peux plus le manger, ben c'est tout, c'est simple, il flotte à la surface. Comme un poisson. C'est à peu près ça. Parce que à l'intérieur de l'œuf, je crois que c'est le jaune qui se déplace, quelque chose comme ça, ou la poche d'air. Je pourrais pas expliquer exactement pourquoi, mais c'est un truc vraiment juste parfait. C'est génial. Il flotte, tu le manges pas. Voilà, c'est dit. Ensuite, avec une autre petite image qui devrait nous apparaître momentanément. Voilà. Donc, c'est une recette de gâteau à la crème glacée qu'on n'a pas à mettre au four. Tu sais, des fois, on voit c'est ça. C'est sûr que si c'était à la crème glacée, je te conseille de ne pas le mettre au four. Ce serait probablement mieux de ne pas le faire. Donc, vous prenez des... c'est vraiment une recette simplifiée. T'sais, on va voir des fois comment dire? Des fois, c'est un gâteau classique chez les grands-parents, peut-être. De biscuits Graham. Des biscuits Graham ou encore des biscuits à la Oreo, mais juste le biscuit, une plaquette ça de chocolat. C'est les biscuits pour faire des sandwichs à la crème glacée. C'est ça, exactement. Donc, à la place d'acheter ça et de se casser la tête à faire une recette, on va juste acheter des sandwichs à la crème glacée, OK? On va les placer en forme de gâteau, c'est-à-dire, bon, à l'horizontale et ensuite à la verticale pour la prochaine étape, prochain étage. Mettons 3 à l'horizontale, ensuite 3 à la verticale. Pour que ça se tienne au lieu de se séparer en 3 morceaux. Pour que ça fasse un cube. Ensuite, tu couvres le tout de crème glacée en tant que telle et tu rajoutes peut-être un coulis de... tu sais, c'est recouvert de crème fouettée, je crois. Tu trouves? Peut-être. Probablement. Mais les deux se feraient de toute façon. Et ensuite, tu peux y aller avec du petit liquide à sundae qu'on voit en épicerie tout le temps, coulis aux fraises. Oui. Ou même peut-être du chocolat qui pogne, tu sais, ce qui fait de la carapace. Là. Oui. Ça, ça serait vraiment cool aussi. Donc, tout ça sur votre gâteau et ça vous donne. Des miettes, des gros morceaux d'Oreo sur le dessus. Ben oui. On pourrait mettre des Reese's Minis dessus. On pourrait tout faire. Des scores. On pourrait mettre plein d'affaires. Le score, le restaurant de brochettes? C'est ça. Évidemment, un gâteau à crème glacée et brochette de poulet. Au poulet. Ensuite, ça, c'est juste une image cocasse, je trouve, mais qui était quand même une bonne idée. C'est un père d'une jeune fille qui a décidé de se faire des tatous, mais en noir et blanc, que des lignes, pour que sa petite fille puisse colorier dessus. Oh! C'est cute pour vrai, c'est le fun. Parce que là, tout le monde te demande pourquoi tes tatous sont noirs et blancs. Ben parce que c'est un livre à colorier humain. Ouais, c'est le fun une fois, là, mais après ça. Ben, t'as vu comment il y en a tout le long de son corps, t'sais. Il y a de l'activité pour les prochaines années. Jusqu'à temps qu'elle soit tannée de dessiner. Hein. Non? Ouais, mais c'est parce qu'à un moment donné, c'est peut-être pas nécessairement agréable. Ah non, j'avoue, mais ça chatouille. Ouais. It chatouilles. Ouais. Un autre genre de tatou, ben en fait c'est pas un genre de tatou, c'est un tatou. Le gars s'est fait tatouer sur le dos la carte du monde en noir et blanc, encore en livre à colorier, et à chaque fois qu'il visite un pays, il vient faire tatouer l'intérieur du pays d'une couleur précise. Ah! Ça, on voit qu'il a pas visité la Russie encore. Pas encore. L'Amérique du Nord est particulièrement pâle aussi. D'après moi, c'est. Il fait exprès d'aller visiter des petits pays. Ben c'est ça. Ah, quand même aller en Australie. La Chine, je crois. La Croatie, c'est ça, la Croatie. Ouais, c'est ça. sinon, c'est dur à dire, là. Brésil, Argentine, Pérou, il a pas mal fait toute l'Amérique du Sud, les États-Unis, le Mexique. Il est bien parti. En France, puis le reste, assez dur à dire. Là, en Europe, on s'entend, c'est tous des petits pays, tout pognés en pain. Lequel est lequel, on sait pas. Là. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais bref, bonne idée. Ensuite, dans une salle de bain publique, toi, mettons que t'aurais à déterminer quelle toilette utiliser. Comment est-ce que tu y vas par système? T'sais, les toilettes des filles, il y a plus de cubicules de toilettes. Oui. Tu prends lequel? Je veux entrer dans ta vie personnelle, vraiment. Si tôt le matin, moi, c'est sûr que je vais aller vers la toilette où le siège est relevé. OK. Parce que c'est propre, donc. C'est ça. Lavé. On sait que c'était lavé, que ça n'a pas été utilisé après le lavage. Parce que je t'annonce quelque chose, les filles ont fait pipi assis. C'est vrai. Donc, on baisse le siège. Oui. Donc, c'est sûr que je vais aller vers celle-là. Je pense que c'est le premier critère pour la majorité des gens qui ont souci de la propreté des choses. Sinon, je te dirais... je vais aller vers celle-là, peut-être, qui semble la moins accessible. Souvent, on a l'instinct d'aller vers une toilette en particulier. Ben, je vais pas dans celle-là parce que j'imagine que ça va être la première vers laquelle tout le monde va aller. Oui. Ah, donc, je vais aller ailleurs. Ailleurs, n'importe où sauf là. Moi, je te dirais que des fois, avant, je prenais la toilette du milieu. Moi, c'est les toilettes parce qu'il y a juste trois toilettes du côté des gars. Oui, OK. Juste trois cubicules. Le reste, c'est je pense qu'on a 4, 5, 6, 7, il doit en avoir une dizaine. À peu près. Mais qu'est-ce que j'allais dire? Que celle du milieu, le truc, tu sais, les yeux magiques. Ouais. Elle partait comme 10-12 fois dans mes fesses. Oui, fait on change de toilette. Je vais maintenant sur celle du bar qui fait moins. Ouais. Quand c'est rendu que ton critère, c'est l'automatisme de la technologie en 2014, c'est parce que la technologie n'est pas assez évoluée pour être utilisée dans une université. Bon, on est allé sur la Lune, oui. Mais les toilettes qui flochent ne fonctionnent pas. Non, et l'eau non plus, hein, dans le robinet. Hein, ça, c'est, faut que tu fasses aller ta main comme 12 fois. Souvent, je dirais que j'amenais un post-it pour couvrir l'œil magique, pas que ça floche tout le temps. Je te comprends bien. Bref, revenons à notre instruction à l'assemblage. Dans une salle de bain publique, la toilette, le cubicule, comme j'appelle, qui n'est vraiment pas le nom approprié pour ça, qui est le plus près de la porte et souvent le plus propre parce que c'est le moins utilisé. J'aurais jamais pensé ça. Ah? Celui le plus près de la porte d'entrée est le moins utilisé. Les gens vont plus au fond pour pas se faire voir, probablement sont gênés d'être aux toilettes et de faire des bruits. T'sais. Mais souvent, c'est aussi la salle de bain qui est pour les personnes à mobilité réduite. Oui. Donc, c'est peut-être pas une bonne idée de la prendre. Peut-être pas, mais nous, c'est celle au fond, celle pour les toilettes. OK. Je me souviens pas, moi. Je crois que c'est la première. Ouais. Donc, probablement que la deuxième est la plus utilisée parce qu'elle est plus accessible parce que c'est pas la première. T'as bien raison, c'est ça. C'est la première. Ah ouais, je comprends ce que tu veux dire. Mais on peut pas aller dans la première parce que ça serait irrespectueux. Tout à fait. Voilà. Si, à moins que toutes les autres soient prises. Ouais. Ce qui, je ne crois pas, va arriver. Rarement. Donc voilà, that's the shit. Ensuite, si t'as presque fini avec un pot de Nutella, ce qui arrive fréquemment, parce que du Nutella, c'est bon. Moi, je prends une spatule et je gratte toute la surface, puis il n'en reste pas. Moi, je prends ma langue. Ça rentre là-dedans? Donc, quand t'as fini avec ton pot de Nutella, t'as juste ajouté de la crème glacée à l'intérieur. C'est une bonne idée. Après ça, avec la cuillère, tu peux mélanger la crème glacée cuillère à Nutella. Et ça fait une bonne crème glacée cuillère. La crème glacée à la cuillère. Ah, c'est Nestlé qui fait ça, je pense, la crème glacée aux cuillères. Ouais, aluminium et cuivre, je crois. C'est ça. Et pépite de cuivre. Ensuite, passer l'aspirateur, c'est une tâche que personne ne veut vraiment faire, mais t'as pas le choix de le faire. T'sais, moi, depuis que je suis rendu celibateur, je l'ai fait rendu aux 2 semaines à ça. Ben, c'est vraiment... ça, t'as personne qui te dit « Passe la balayeuse! » Non, c'est ça, puis je m'en sac. 2 semaines, c'est bien grave. Donc, l'époustage, etc. Bon, dépendant de quelle sorte de plancher que t'as, est-ce que t'as des planchers de bois franc, de tapis, il faut passer l'aspirateur, puis il y a différentes façons de le faire, puis tu sais, bon. Avoir l'aspirateur central, c'est sûrement la meilleure chose à avoir, mais quand tu dois le faire à l'ancienne, voici quelques méthodes pour peut-être simplifier votre passage d'aspirateur. C'est une bonne idée. Par exemple, d'utiliser une extension. On n'y pense pas parce que des fois, le fil a l'air assez long, mais à la place de tout le temps changer de prise de courant, une seule longue extension qui fait l'appartement au complet, investis là-dedans, puis ton aspirateur, tu vas pouvoir le passer d'une traite, tu sais. Ouais, je sais pas, des fois, quand il y a trop de fils, je suis vraiment du genre à... pogner les pattes dedans. Ouais, peut-être. Mais tu sais, moi, je tiens le fil en même temps que le manche d'aspirateur pour essayer de l'enlever du chemin un petit peu. Je tiens le fil en même temps. Oui. Donc, ton extension, peut-être, potentiellement, tu pourrais mettre du tape autour pour pas qu'elle se détache puis tenir le fil par son extension. Je sais pas trop. Ouais, je sais pas. Je trouve ça quand même cool. Ça t'empêche d'avoir à tout le temps rebrancher. Ensuite, utiliser du nettoyant à tapis pour désodoriser un petit peu. Donc, si tu as des tapis à la maison, à la place de passer l'aspirateur plus souvent, peut-être que juste enlever les odeurs pour être approprié au milieu de la semaine. Mettons, si tu passes l'aspirateur une fois par semaine. Donc, tu as juste à saupoudrer un petit peu de poudre, par exemple du Arm & Hammer ou peu importe, sur le tapis. Tu laisses là pendant 15 minutes et ensuite, tu passes l'aspirateur. Là, ce serait le ménage complet. Sinon, juste à la place de prendre ça, ce serait juste du désodorisant normal sur ton tapis. Voilà. Ensuite, de nettoyer votre aspirateur. Pourquoi balayer ou aspirer quelque chose si ton aspirateur est aussi sale? Donc, tu vas juste ressalir les choses. Donc, laver peut-être un petit peu ta balayeuse. On a tous vu... enfin, on l'a pas tous vu. Vraiment pas. Là. Mais il y a un épisode classique de Full House, une sitcom, où le père qui est maniaque de ménage va passer l'aspirateur portable sur son grand aspirateur. J'ai toujours trouvé l'image vraiment très, très drôle. Ouais. Quand même. Ensuite, mettez le focus... l'attention vers les endroits où les gens passent beaucoup. Donc, ce serait un endroit où on passe quotidiennement, les corridors, les passages, à l'avant du divan, autour du lit. Donc, on devrait passer l'aspirateur peut-être plus souvent là, alors que peut-être que les fonds de garde-robe, tu sais, peut-être que tu fais ça une fois par mois, peut-être au ménage du printemps même, tu sais, pas très probablement. Ou quand tu déménages. Ah, bon point, surtout quand tu déménages aux années, tu sais. si tu peux, trouve-toi des tapis qui sont particulièrement appréciés par les aspirateurs. Hein. C'est des tapis qui sont faits pour les aspirateurs. Donc, il y a des tapis plus synthétiques, avec les poils beaucoup moins longs. Donc, c'est plus facile de passer que sur du shaggy carpet. Hey, mais du shaggy carpet, là, c'est plus à la mode. Non, c'est comme le chanteur shaggy. Je veux dire, c'est fini, ça. Ça a déjà été in? Je pense que oui. Oui, en 98, je pense que oui, à peu près. C'est ça. Comment combattre maintenant l'humidité comme un vrai champion? Je sais pas. On va se le dire. Hein. On a une relation amour-haine avec l'été. T'sais, l'été, c'est le fun, mais il y a des bébites. L'été, c'est pas le fun, mais c'est humide. L'été, c'est pas le fun, mais il fait chaud, etc. Donc, on aime l'été, mais il faut des fois trouver des solutions pour le rendre un petit peu plus amusant. Par exemple, à la fin du mois d'août, en ce moment, je trouve que c'est particulièrement humide. Là, on est rendu au mois de septembre. C'est encore plus humide. J'aurais jamais pensé. C'est vraiment très, très, très humide. Ouais, c'est pas super agréable. Non, ça dort pas particulièrement bien. Premier conseil pour peut-être calmer l'humidité, c'est de se faire couper les cheveux régulièrement. Non. Non, pas toi. Non. Moi, tu vois que mes cheveux commencent à être longs. Je pense que ça collabore pas à me rendre... En fait, ça collabore à me rendre souffrant de la humidité en ce moment. Voilà. Donc, souvent, on va mettre nos coupes de cheveux, nos rendez-vous à peut-être 5-6 semaines. Moi, c'est 6 semaines précisément. Mais c'est plus difficile l'été parce que les cheveux, quand ils sont plus longs, ben ça, c'est ça, on a chaud. Donc, faites-la couper peut-être aux 3-4 semaines l'été. Puis après ça, vous reprendrez le rythme normal l'automne. Ouais, ben mettons, moi, je m'ai fait couper une fois par année. Ouais, les filles, c'est vraiment pas la même chose, là, j'avoue. Non, attends un peu. Je m'excuse, il y a des filles qui vont là comme tout le temps. C'est vrai. Moi, c'est juste parce que je suis paresseuse et que de toute façon, ils sont à leur pleine longueur. Qu'est-ce que ça me donne de les faire couper? Alors, on nous dit d'utiliser la bonne brosse à cheveux. Donc, on dit que c'est facile d'utiliser une brosse très, très simple avec, avec des dents? Des dents, des fils, genre de peignes. C'est les peignes qui ont comme des genres de fils pour te peigner, comme des genres de branches, si on veut, les pics. Des dents. Est-ce qu'on appelle ça vraiment des dents? Oui. Bref, on dit que quand la météo change, quand ça devient plus humide, on devrait trouver une brosse avec des dents moins égales, donc qui sont plus distribuées sur la brosse, okay, pour plus les séparer et te calmer un petit peu la chaleur de ton cuir chevelu. Bon, c'est ce que ça dit. Ensuite, ça dit de laisser faire le séchoir à cheveux, voilà, et le fer plat et tous les produits qui chauffent avec la chaleur qu'il y a à l'extérieur et les rayons UV du soleil. Vos cheveux sont déjà assez endommagés, donc ne pas en mettre encore plus par-dessus. On ajoute aussi le fait que si tu utilises le fer plat ou le séchoir à cheveux, ça va augmenter ton exposition à la chaleur et ça va les endommager encore plus. Voilà. Donc, c'est, oui, c'est pas mais j'ai l'air de quoi, moi, tu penses, si j'utilise pas le séchoir ou le fer plat? De buisson, hein. Moi c'est aussi, juste c'est dégueulasse, vraiment, là. Ensuite, on parle de produits anti-frisottement et revitalisants en profondeur qui seraient peut-être parfaits justement pour les gens qui veulent pas, qui veulent pas utiliser le fer plat, le séchoir, mais qui veulent que leurs cheveux aient de l'allure quand même. Donc, l'anti-frisottement et des revitalisants, ce serait peut-être une bonne idée. Pour les mois humides, on les transporte toujours en format voyage pour les situations d'urgence, pour les remettre en bon état. Mm-hmm. Et toujours avoir un plan B pour vos cheveux. On peut pas contrôler la météo, comment nos cheveux réagissent à la météo, mais on devrait toujours avoir un plan B si quelque chose tourne mal et que les cheveux ne coopèrent pas. Donc, j'imagine un rasoir. Un élastique à cheveux, peut-être. Écoute, moi, dans la vie, j'ai une coiffure. Donc, juste dans la vie, en général, j'ai pas de plan B. Faudrait que t'en aies au moins un petit chapeau. Mais je sais pas me coiffer. J'ai vraiment aucun talent en coiffure. Moi, c'est je passe une brosse, un fer plat, puis... la vie fait le reste, puis c'est pas beau, puis je sais plus quoi faire. C'est plus mon problème rendu là, c'est la faute du monde. C'est le destin, le karma. Maintenant, on va apprendre, toujours dans les instructions d'assemblage, où on présente quelques façons d'améliorer peut-être votre vie, différentes façons. C'est comment envoyer promener quelqu'un à travers le monde. Ah, oh, wow! Ouais. C'est tellement pratique. C'est cool, hein? On va commencer avec le bras d'honneur, qui est originaire du centre de l'Europe. C'est une version... Ah ouais? C'est une version augmentée. Si on veut, une version super size de donner juste le doigt d'honneur. Mm-hmm. C'est le bras d'honneur. Donc, on envoie, on met la main gauche, mais je pense que tout le monde connaît le principe. On met la main gauche sur l'intérieur du coude et on lève le poignet, le poing droit. Ouais. Ça donne un bras d'honneur. La plupart des cultures ont adopté leur propre version. Donc, pour cette façon-là qu'on appelle le bras d'honneur, c'est de plier le bras vers l'intérieur en forme de L. Il faut aussi faire ce mouvement-là vers l'intérieur en L. Ensuite, le signe du V. Comme le poste de télé. Comme V Télé et comme toutes les autres compagnies qui commencent par un V. Ça a été bien à la mode pendant un petit bout de temps, ce soir-là, de faire des V. Il y avait la série télé, le retour de la série télé V. Ah, il c'était avait... pas bon, ça? Non. Il y avait un autre V à quelque part, mais je me rappelle pas c'est quoi. Tout le monde faisait ce symbole-là. C'était la voix qui faisait un V avec les doigts. Pour vrai, pendant un petit bout de temps. Oui, donc, oui, tout oui. le monde a fait le V à quelque part. C'est rendu cliché. Le salut à deux doigts, donc index et majeur, est d'origine britannique. C'est performé en montrant le V avec ton index et ton doigt du milieu, mais vers, faut qu'on voit le dessus de ta main, non pas la paume vers le visage. La paume vers toi. À nous. C'est pas la même chose que de faire le contraire comme la voix. La voix. Voilà, parce que ça, c'est encore plus insultant, je trouve, de faire le signe de la voix. mais ça, c'est supposé vouloir dire quoi? C'est pour envoyer promener? C'est toujours pour envoyer promener, c'est vraiment ça. En Grande-Bretagne, on envoie promener en faisant deux doigts comme ça. Ah? C'est cool, hein? À apprendre. Évidemment, ils ont sûrement, eux, tu sais, toutes les influences américaines finissent par se rendre là aussi. Fait que c'est sûr qu'ils font aussi le finger. Ben oui, c'est un classique, là. C'est un langage universel. C'est exact. Langage québécois des signes. Pour t'envoyer promener, c'est quoi? Est-ce que tu le sais? T'as pas étudié un petit peu là-dedans? Je pourrais te faire manger de la... Je pourrais le faire, mais tu sais... Après, tu me le dis en français, c'est bien assez. Moi, c'est ça, mais je suis pas sûr que c'est leur façon de s'envoyer promener. Là, c'est plus comme notre interprétation de... Ah, OK. Intéressant quand c'est même. C'est ça. Ensuite, c'est le Mutsa. M-O-U-T-Z-A. Le Mutsa. Donc, tu mets ta main vers la personne que t'insultes avec la paume qui fait face... Attends un peu. Tu passes ta main vers la personne que tu insultes avec la paume. OK. Avec la paume de l'autre main par-dessus la main. OK. Donc, on voit un croisement de doigts vers le haut, un genre de pan de doigts. Et donc, c'est une insulte traditionnellement en Grèce. Ça veut dire littéralement je te lance du caca en pleine face. Donc, les deux mains, une par-dessus l'autre. avec la paume vers la personne et tu pousses. Et les doigts écartillés. Là. Les doigts écartillés, c'est ça. Comme en étoile. Comme en étoile. C'est super cute comme tu sais, mais. Moi, c'est quasiment un papillon, mais c'est. Je te lance du caca dans la face. C'est un symbole de singe, un peu. Lancer du caca dans la face. Ensuite, c'est montrer votre est-ce qu'on dit le dessous du pied, c'est le plante? La plante du pied, voilà. Oui, pourtant, c'est je le sais, nom. C'est mon nom, c'est ça. Mathieu Plante de pied, comme on m'appelle souvent. Oui, généralement, oui. Donc, dans le monde arabe et dans plusieurs cultures asiatiques, c'est insultant de montrer la plante de tes pieds. C'est vu comme la partie la plus sale de ton corps, et montrer ça, ça va insinuer que tu penses qu'ils sont sales un peu comme le dessous de tes pieds. Oh boy, ils sont susceptibles, hein? Pas mal, hein? Et quand même. Ensuite, le cutis. C'est commun en Inde et au Pakistan. Vous pouvez peut-être l'essayer, ce geste aussi. Vous prenez votre ongle de pouce, vous le mettez derrière vos deux dents d'en avant, vos deux palettes. Vous allez donner un petit mouvement de flick vers la personne que vous insultez. Donc, la traduction, c'est que ta famille et toi, que toi et ta famille allez vous promener, mettons, gentil. Ouais, ouais. On les envoie promener, là, allez manger. Bon. Fait que donc, avec les dents, là, tiens, hein, comme ça. Mm-hmm. Ensuite, c'est le fangoul. Celui-là est classiquement italien. On l'a vu dans des films, on l'a vu à la télé. Oui, oui, oui. Bon. Donc, le mot... Tu n'aimes pas mes spaghettis. C'est ça. Donc, le mot fangoul n'est pas italien, mais ses origines sont dans le mot italien vaffanculo, qui veut dire « va te faire foutre ». Le geste... Go fuck yourself, c'est vraiment ça. C'est en anglais, personne ne comprend, fait qu'on peut. Donc, le geste a gagné en popularité dans la culture italo-américaine comme insulte, mais dans la culture italienne, dépendant de comment tu le fais, il y a différences subtiles dans ce que ça veut dire, dans la définition de ton geste. On n'a pas les explications là-dedans quand même. Mais c'est quand même envoyer promener. C'est ça, et c'est vraiment de mettre le dessus de tes doigts, de la main... lui, il fait avec la main gauche. Je pense que c'est pas mal tout le temps la main gauche. Pourquoi pas. Et tu envoies ta barbe promener. Tu envoies la barbichette vers la personne. Donc, ça frotte la barbe, tu l'entends. Moi, Gab, aussi, on entend la barbe. Ah, vraiment, c'est barbesque. C'est barbare. Barbant, voilà. Ça s'appelle le fangoul. Ensuite, le manofico. Manofico. Si on fait ça... Pas magnifico. Non, là, non, c'est le mano pour main, j'imagine. Main, j'imagine. Fico pour, évidemment... Doigt? Je sais pas. Mais ça doit être ça. J'essayais de trouver quelque chose de drôle. Fico comme... Mais je suis certaine que c'est ça. La peinture. Fico. Peut-être. Fico par-ci, fico par-là. Donc, faire ce geste-là en Inde, en Turquie, ou en Inde, comme j'appelle, en Corée, au Japon ou en Italie, ce serait une mauvaise idée. Aussi nommé la figue. Pour le fruit, la figue. Ça a déjà été un geste qui souhaitait bonne chance aux gens, mais éventuellement, c'est devenu un vote faire voir. Ah, ça a changé assez littéralement de sens. Hein? Pas mal, hein? Donc, pour le faire, vous allez faire un point avec votre main et vous allez mettre votre pouce entre l'index et le majeur. C'est facile à expliquer. C'est quoi ça? C'est quand tu voles le nez à un enfant. C'est ça! Donc, tu l'envoies promener. Tiens ton nez, ce que j'en fais, va le forfait, va te promener. Ouais. C'est le magnifique. Ensuite, le cock hold. C'est commun en Italie. C'est performé de cette façon. On va prendre l'index et le petit doigt. On va faire un signe genre rock metal. And roll. C'est ça, rock and roll. J'ai vraiment de la misère à le faire avec ma main droite. Là. C'est plus facile avec ma main gauche. Je sais que mon petit doigt de la main droite ne collabore pas. Mais c'est un bidex rock and roll. Ouais, c'est ça. On peut aussi faire avec ça des rock quotes, évidemment. T'sais, des citations rock. C'est quand tu cites quelqu'un avec tes mains rock. T'sais. Tu fais des guillemets, mais avec. Ouais. Tu peux les faire à la française. Et tu peux les faire à l'américaine. Tu as les deux. Tu as quatre façons de faire les rock quotes. Ah, merveilleux. Donc, c'est ce qu'on fait, des rock quotes dans les airs. Et puis, on tient les autres doigts avec notre pouce, bien sûr. Et on va faire l'important de. Parce que là, on a fait des made rock, mais c'est pas ça l'insulte. Là. C'est qu'on doit faire un swivel du poignet vers l'avant et vers l'arrière. Donc, on va un peu comme. En tout cas, moi, ce que j'en comprends, c'est Parce que ça pourrait être comme ça. Ça pourrait. Ben, là, on est à la radio. Ça pourrait être de gauche à droite, mettons. Ça pourrait être aussi à l'avant en arrière. Ça pourrait être aussi un rond. Je mets le doigt devant, je mets le doigt derrière. J'ai fait de tout petits ronds. Et j'ai fait le boogie-boogie. Ouais, c'est ça. Donc, c'est ça. Lorsqu'on le montre, ce symbole-là, à un homme par une femme, ça veut dire que le récipiendaire a été cock-holdé. Donc, ça veut dire qu'il est cocu. Donc, on l'a... Tu vois, cock-hold, là? Wow. Cocu en français, là? Ça vient probablement de cock-hold, j'imagine. Mais tu sais, là, prenez pas ça pour un fait, parce qu'on est pas dans cet un fait. J'ai pas de source, mais il me semble que cock-hold et cocu, ça sonne pas mal pareil. Ça veut dire se faire tromper. Si une femme fait ça à un homme, le symbole, rock quotes, swivel... c'est qu'il a été trompé. Voilà. Et montrer d'un homme à un autre homme, c'est encore pire. On dit pas ce que ça veut dire. J'imagine que ça parle de... Ça doit pas se dire. Ça ne se dit pas. Continuons. Je pense qu'on peut continuer dans encore quelques instants. Et on dirait que la musique aujourd'hui, c'est pas vraiment notre trip. Fait qu'on va parler après. On n'a pas le temps. Pas le temps de la musique. On a plein de choses à dire. On a du contenu, mais on s'amuse. Comment faire? Est-ce qu'on se lance sur une recette aussi compliquée, Steph? Ça a l'air bon, à mot à dire. Ben, compliqué pour toi, peut-être. Tu vas m'aider un peu? Ben oui, je vais t'aider. Donc, le bacon, on aime tout ça. On cherche des recettes au bacon faciles à faire et bonnes dans la bouche. Donc, pour déjeuner, des fois, on cherche un petit peu plus. On manque d'inspiration. Oh, ouais, des fois, toast, céréales, ah. Tu sais, puis des saucisses enrobées dans le bacon, c'est bon, mais c'est pas assez. On veut plus de saveurs, saveurs. Donc, on va avoir besoin, pour faire une baguette déjeuner, bacon et œufs. Okay. De ces ingrédients. Un quart de baguette française, une tranche de ben bacon. Même à ça, un quart de baguette française. Une baguette française, hein? Au moins la moitié, là. Un quart. Un emballage de tranches de bacon, une douzaine d'œufs, 10 œufs, et de l'huile d'olive. De l'huile. C'est le raccourci pour de l'huile d'olive. Moi, je suis rendu comme ça. En 2014, on peut-tu rapetisser les expressions? De l'huile d'olive, c'est de l'huile. Mais toutes les mots ensemble. Voilà. Puis assemblage requis, c'est arqué. C'est ça qui parle à la radio. Donc, la première chose à faire, c'est de faire cuire son bacon. Ensuite, tu vas vouloir couper une section de 2 pouces de la baguette. Ensuite, tu vas enlever... En rondelles, exactement, bien précisé. Ensuite, tu vas enlever presque toute la mie du pain dans le milieu. Okay? OK, on fait un gros trou. On fait un gros trou et quand il y a un trou, qu'est-ce qu'on fait avec? On le remplit. Il faut s'assurer de laisser un petit peu de mie sur le côté quand même. Donc, tu vas verser de l'huile d'olive dans ton truc pour faire cuire. Ça peut être une poêle. Ça peut être... Ben, y en a qui vont faire ça dans un chaudron des fois. Ça va coller. Prends une poêle. Parfait. Donc, lance dans une poêle. Tu vas verser donc l'huile d'olive là et tu vas mettre la chaleur de ton rond à médium bas environ. OK. Médium faible. On veut pas que l'œuf bouille. C'est exact. Tu vas placer la baguette de pain dans ta poêle et tu vas craquer un de tes œufs avec soit tes mains, un couteau, un outil quelconque et tu vas ta tête et tu vas verser l'œuf dans le trou que tu as créé avec ta baguette. Ensuite, tu vas couvrir ta poêle donc d'un couvercle et tu vas laisser cuire pendant 2 minutes environ. OK. Ensuite, tu vas flipper ta baguette de côté, tu vas la changer de bord. Mais on parle de pile-face. Et non pas de la changer de bord de la poêle, comme genre va-t'en dans le fond de la poêle là, puis ça va dans le côté S de la poêle. Ouais. Je pars par la base, tu sais. La base de la cuisine. Mais on veut que ce soit accessible. C'est ça, c'est clair pour tout le monde. Ricardo, il vous dira pas ça. Moi, je vous dis les vraies affaires. Oui, oui. Virer de bord comme dans pile ou face. C'est ça. Donc, tu vas flipper ta baguette de côté et tu vas laisser cuire pendant environ une autre minute ou jusqu'à ce que ton œuf soit cuit de la façon que t'aimes tes œufs. Tu peux le faire. Oui, ça peut être coulant, ça peut être bien cuit. Miroir, moi j'aime bien miroir. Tu vas répéter ensuite les étapes avec un deuxième œuf dans la même baguette. Une fois que c'est terminé, tu vas sprinkler ton bacon dessus et tu vas servir chaud. Ah! C'est une bonne idée, hein? Sais-tu ce que ça manque? Quoi donc? De fromage. Ah, du fromage, oui, en effet. Faut que tu mettes du fromage dans ton œuf. Et du poivre. Ben oui, ça, c'est sûr, c'est le poivre. J'aime beaucoup le poivre. Ça, c'est même pas à discuter. Tout à fait. Mais ça prend du fromage dans ton œuf. Mais moi, je préférais mes œufs. Ah, mes œufs brouillés. Oui. Donc, tu peux mélanger ton fromage à l'avance dedans. Donc, tu mets ça là-dedans. Et en passant, tu peux pas faire un œuf miroir là-dedans non. parce que tu pourrais pas tourner ton pain. Un œuf miroir, c'est un côté. T'as bien raison. Ça peut être tourné, pas pété. Pas pété comme une marionnette, là. Pas pété. C'est le verbe de marionnetter. Le célèbre verbe, comme on dit tout le temps, marionnetter. J'aime ça. Ah, ben voilà pour les instructions d'assemblage. On a vraiment, vraiment parlé de plein de choses. Je pense qu'on s'est vraiment rassasié. On s'est rempli de bacon. J'en prendrais d'autres, moi. T'en prendrais d'autres? Ben, je t'en mais donnerai pas aujourd'hui. Mais dans ma bouche. Ah, OK. Ben, je te dirais que ça ira la semaine prochaine parce que les instructions d'assemblage, on fait ça habituellement les jeudis. Mais sais-tu quoi, Mathieu? Quoi donc? J'aime ça. Cool! J'aime ça animer avec toi, Steph. Oh, arrête donc, t'es bien têteux. Mais malheureusement, Colin, Steph, est-ce que tu sais que c'est tout pour assembler? Oh non! Ça va mal! Mais... On est de retour demain! Non, c'est pas vrai, c'est faux. Encore non. Tu vois, gars, c'est même pas vrai. Attends. T'es tellement cruel! C'est tout pour aujourd'hui. On va être là demain, évidemment. Mais non, on va être là lundi! Entre 6h30 et 9h30. En direct à partir de 7h30. Voilà. Pour une toute nouvelle édition d'Assemblage Requis. Le lundi, entre autres, la nouvelle chronique de David Ferron. Oh! Les notes salées vont nous faire un petit coup de cœur et un coup de gueule sur le... Tu veux dire salé? Salé, excuse-moi. Mais même moi, quand j'essaie de m'imiter, j'ai un peu de misère. Faut pas que j'y pense. On aura aussi une nouvelle chroniqueuse, Anne-Marie Gauthier, à l'émission de lundi. Si tout va bien, si tout est comme prévu, t'sais, aujourd'hui, on avait un plan puis il a pas vraiment fonctionné. T'sais, on remercie quand même. Mais Mathieu, moi, je trouve que tout va très bien. C'est vraiment un beau début de saison. Mais et je voudrais dire, moi, dans la vie en général, j'ai beaucoup de difficultés avec le changement. Ouais. Je m'adapte mal ou parce que je suis du genre nostalgique, mais j'apprécie énormément la nouvelle chanson d'Assemblage requis. Ah, tu l'aimes? J'aime beaucoup, beaucoup la musique que tu as apportée. Ça donne une belle ambiance. Puis tout de suite, j'ai accroché. T'as fait du bon travail. Ben merci, t'es super fine, Steph. C'est cool. J'ai aimé la participation de toi les quatre jours. Je trouve que c'est vraiment cool de t'avoir. Mais t'sais, j'étais là juste trois parce qu'on n'a pas fait lundi. Non, mais on était là en reprise lundi. Fait que... Ah oui, c'est vrai. Fait que t'étais là. Dans le fond. C'était un spécial de Genoli, là. Mais oui, c'est vrai. Le pire, c'est que j'en ai écouté une partie. C'était super le fun, pour vrai, c'était vraiment le fun. Si vous avez manqué le spécial de Junior Lee de lundi passé, c'est sur assemblagerequis.com. Ça combinait toutes nos chroniques, la bouffe de la semaine qu'on a fait pendant l'été. Il y en avait beaucoup. Ça va revenir éventuellement, ça aussi. Donc. Mais oui. Un jour. Et un jour, il faudrait vraiment essayer une recette des instructions d'assemblage. Oh oui, en direct. Avec un petit burner, un petit genre. Ah, j'ai ça, là, j'apporte ça. C'est clair. On remercie Laurent Constantin qui est venu aujourd'hui à l'émission. Oui, super intéressant, un peu peurant, mais. Un peu. Justine Renaud, j'espère, va commencer la semaine prochaine parce qu'il faut qu'elle revienne. Je sais pas ce qui s'est passé aujourd'hui, on va lui en reparler. On a tellement hâte de trouver un autre chronique. C'est vrai. Moi, j'aimerais écouter la chanson parce que le fond qu'on a en ce moment, c'est notre fond le plus long qu'on a, 10 minutes. OK. Est écœurante tout le long, t'sais. Ah. J'aurais envie de parler pendant encore 10 minutes, t'sais. Mais écoute, la prochaine fois, on termine l'émission 10 minutes à l'avance. Parfait. Puis on fait juste dire au revoir pendant 10 minutes. Puis je pense qu'on est très, très bon là-dedans. Parce que ça fait quoi, comme 4 minutes qu'on dit au revoir? Ouais. Je pense qu'on peut faire ça encore 6 minutes supplémentaires. Restez sur nos ondes parce que Dany Janvier s'en vient avec le dîner de con à partir de 11h. Ensuite, à Livre ouvert commence sa nouvelle saison la semaine prochaine seulement. Ah. Donc ça va être à 15h les jeudis. Mais pour l'instant, ça va aller jusqu'à 13e étage qui est à 19h. Et Radio Sonic à 21h. CIF.ca pour la programmation complète. Assemblagerequis.com pour les notes de l'émission, les balados diffusion. Pour ceux qui trippent bien gros sur la musique, comme tu l'as dit, d'Assemblage Requis en ce moment, c'est par Ludwig Göransson, qui est celui qui fait la musique de la série de télé Community. Et étant donné que je veux pas juste avoir l'air d'avoir volé son matériel, hein, on va se quitter avec la chanson thème de Community. Ah, bonne idée. Voici The 88, At Least It Was Here, à lundi 6h30. Bye! Bye, Steph. Give me your hands, show me the door. I cannot stand to wait anymore. Somebody say, be what you be. We could be old and cold and dead on the sea.